bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Alors, vous l'avez vu dans la presse, évidemment, on se dirige vers une nouvelle Ariane. Une Ariane 6 avec un lancement probablement dans 8 ans, en 2021. Et c'est un lanceur qui est même très attendu. Monsieur Le Gall, le président du CNES, de l'Agence française de l'espace, a dit « Il faut faire Ariane 6 ou disparaître ». Il faut faire Ariane 6 ou disparaître. Oui, donc il y a effectivement un fort enjeu autour de ce lanceur. Il s'agit rien de moins que de permettre à l'Union européenne de conserver un accès à l'espace, de continuer à disposer d'un lanceur lourd. La possibilité de ne plus avoir d'Ariane du tout n'est pas écartée si on ne passe pas à Ariane 6. Heureusement, voilà, Ariane 6 arrive. Bienvenue donc au Mardi de l'espace, comme à chaque fois organisé par le CNES, donc l'Agence française de l'espace, et aussi par l'association Bar des sciences Paris. On a nos twittos qui sont là, qui vont raconter cette soirée sur Twitter directement avec le hashtag KnesTweetUp. Et vous-même, vous pouvez suivre cette soirée si vous voulez sur Twitter. On aura peut-être aussi des questions directement par Twitter. On a Raphaël qui est là. Bonsoir Paul. Bonsoir Raphaël. Alors donc tu joues de la musique, tu chantes, mais en plus tu parles alors. Je parle aussi. Eh ben ok, super, parfait. Bon, Raphaël est là parmi nous. Et puis, moi je m'appelle Paul Debrême, je suis journaliste scientifique. Je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette soirée pour ce bar des sciences qui est intitulé « À quoi ressemblera Ariane 6 ?» Alors on peut se poser la question, à quoi ressemblera Ariane 6 ? Donc l'enjeu c'est bien de rester compétitif, de rester dans la course. Et bien sûr pour ça, on aura un Ariane 6 particulièrement performante du point de vue de la poussée, énorme poussée, un peu moins forte qu'Ariane 5 quand même, excusez-moi, pardon, d'accord. Donc, en revanche, sa capacité d'emport, elle, sera bien plus importante que celle d'Ariane 5. Non, pardon, c'est pas le cas non plus, je me suis trompé, excusez-moi. Alors en revanche, elle sera beaucoup plus massive, beaucoup plus haute et impressionnante. Non plus, pardon, excusez-moi, non. Alors elle va intégrer des innovations technologiques de rupture. Ah ben non, pas non plus. Excusez-moi. Non. Alors rien de tout ça. Alors en revanche, non, là où je rigole plus, là où Ariane 6 va tailler des croupières à la concurrence et surtout à Ariane 5, c'est sur deux paramètres qui sont absolument fondamentaux. Ariane 6 sera d'abord et avant toute chose plus économique qu'Ariane 5, meilleur marché, elle coûtera moins cher. Et l'autre paramètre, c'est qu'elle sera beaucoup plus flexible. Elle sera d'un emploi beaucoup plus aisé. Alors on peut se poser la question, voilà, pourquoi ce lanceur plus simplifié, plus efficace économiquement ? Quelle urgence y a-t-il à passer de Ariane 5 à Ariane 6 ? Eh bien ces questions et toutes celles que vous avez envie de les poser, eh bien, on pourra les poser directement à nos deux intervenants de ce soir. C'est Marie-Anne Claire et Philippe Pascal. Merci beaucoup de les accueillir s'il vous plaît. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Marie-Anne Claire, Philippe Pascal, est-ce que vous voulez bien prendre un micro et nous parler un petit peu de vous, nous dire qui vous êtes ? Oui, bonsoir. Donc moi, je suis Marie-Anne Claire, je suis directrice adjointe à la direction des lanceurs au CNES et en charge en particulier des projets en développement et des projets futurs de lanceurs. Directrice adjointe des lanceurs et à votre côté, donc, Philippe Pascal. Donc Philippe Pascal, sous-directeur technique à la direction des lanceurs. Sous-directeur technique, donc voilà, on a vraiment... Alors vous, Marie-Anne Claire, vous êtes plutôt du côté politique, organisationnel, et Philippe Pascal plus du côté technique, voilà, donc on a vraiment... Voilà, on est effectivement des compétences complémentaires, et moi plutôt du côté gouvernance, politique, montage industriel, et Philippe donc depuis très longtemps sur les lanceurs. Oui, actuellement en charge de toute la partie ingénierie... qui est menée à la direction des lanceurs du CNES. Alors, Marie-Anne Claire, Philippe Pascal, à quoi ressemblera Ariane 6 ? Alors, on peut d'abord la regarder. On a des images là d'Ariane 6 qu'on va pouvoir commenter avec vous. Peut-être qu'on peut commencer par cette image-là. Cette image-là. Il y a aussi une image qu'on voit, où on la voit au lancement. Et alors, figurez-vous que Philippe Pascal et Marie-Anne Claire ont apporté ceci. Alors, ce sont des... Qu'est-ce que c'est exactement, Philippe Pascal, ça? Ça, c'est ce qu'on appelle des maquettes fabriquées avec une imprimante 3D. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu et répandu. On a une machine comme ça à direction des lanceurs et ça nous permet de sortir des petites maquettes comme ça. Bon, on sort des pièces plus techniques pour nos besoins d'ingénierie, mais bon, à l'occasion, on peut faire ce genre de choses. Parfait, parfait. Bon, je vais en faire passer, mais on veut bien les récupérer. Hein, voilà, donc on voit une de ce côté-là. Et puis une autre de ce côté-là, par exemple. Alors, parlez-nous d'Ariane 6, de cette Ariane 6. À quoi est-ce qu'elle va ressembler, Philippe Pascal? Eh bien, c'est un lanceur qui peut paraître conventionnel, mais bon, dans lequel on essaye de faire un certain nombre d'innovations. Il a des originalités assez intéressantes. Disons que par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, lorsqu'on faisait Ariane 1 jusqu'à Ariane 5, on faisait un produit qui était essentiellement orienté sur de la technologie, à visée de performance maximisée. Et là, sur Ariane 6, du fait du contexte que vous avez évoqué tout à l'heure, de concurrence exacerbée, tout en ayant un objet très technique, on a un objectif essentiellement de minimiser les coûts. Et alors on va y revenir, mais ce que je voudrais surtout voir, c'est est-ce qu'on peut la décrire en taille, etc. D'ailleurs, par rapport à Ariane 5, par exemple, décrivez-la nous, là. C'est quoi les moteurs, la hauteur, alors, etc. Si on la regarde. Alors, c'est une fusée qui est faite avec deux moteurs. Donc, il y a d'abord un moteur à propergol solide, qu'on appelle moteur à poudre de temps en temps, qui se retrouve, il y en a trois au premier étage, et le même moteur se trouve ensuite au deuxième étage. Alors quand vous dites qu'il y a deux moteurs, c'est un peu trompeur. En fait, il y a quatre moteurs. Il y en a un qui se retrouve quatre fois, voilà. Trois au premier étage et une quatrième fois en deuxième étage. Ouais. Alors pour voir ça, peut-être qu'on peut prendre ce dessin-là. Hein. On voit l'écorché. On va regarder l'écorché ensemble, si vous voulez bien. Ce sera beaucoup plus clair. On regarde l'écorché. Alors, qu'est-ce qu'on voit là sur cet écorché, Philippe Pascal? Donc, les moteurs qui sont de couleur un peu jaune, donc ce sont les moteurs à propergol solide. Et on en voit quatre, effectivement. Et on en voit quatre. Il y en a trois, les uns à côté des autres, en ligne. Donc, qui constituent le premier étage. Les trois premiers, là, c'est le premier étage. C'est ce qu'on appelle le premier étage. Celui qui est tout seul au-dessus, c'est le deuxième étage. Et par-dessus, il y a un étage cryotechnique, c'est-à-dire avec oxygène et hydrogène liquide. Qui fait la fin de la mission pendant une durée beaucoup plus longue. Et juste au-dessus, évidemment, qu'est-ce qui est doré, hein, c'est le satellite. La charge utile, le satellite, qui est sous une coiffe pour être protégé des charges aérothermiques du début de vol. D'accord. Alors la poussée globale là, d'Ariane 6. Alors Ariane 6, au décollage, c'est une poussée de 800 tonnes, puisqu'en fait, sur les trois moteurs, on en allume deux. On en allume deux. Hein, au premier étage, d'abord, on en allume deux. Les deux moteurs latéraux. Et quelques secondes après, une fois que la fusée a commencé à décoller, on allume le troisième moteur, le central. Et donc là, on a une poussée d'à peu près 1200 tonnes. Ah oui. Donc on commence à 800 tonnes et quand les trois moteurs sont allumés, là, on est à 1200 tonnes. Voilà. Et donc avec les 800 tonnes de décollage, ça permet de compenser la masse du lanceur et donc de décoller. La masse qui est de 670 tonnes au décollage. C'est ça. Et alors Ariane 5, on est à combien en revanche? 1350 tonnes. Voilà. Donc on a une poussée qui est supérieure, mais on a un lanceur qui est plus gros aussi. Mais qui est un peu plus lourd, puisque Ariane 5 approche des 800 tonnes. Et donc on a une poussée au décollage de 1350 tonnes. Donc 800 tonnes la masse d'Ariane 5 et Ariane 6 670, un peu moins de 700. D'accord. On est en lanceur plus petit, hein, voilà, moins puissant, tout simplement. Disons que c'est un lanceur qui est fait pour envoyer un satellite unique. Là où Ariane 5, on fait du lancement double, on met deux charges utiles. D'accord. On avait une grosse spécificité en Europe où effectivement on a imaginé ça, créé ça, ces lancements multiples hein, avec Ariane. On lançait deux assez gros satellites en même temps, ou un gros et un moyen si je puis dire plutôt. Et là, maintenant, ça va être terminé. On fera un gros satellite ou un satellite moyen à chaque lancement. Exactement. Oui, on rentre dans le rang là parce que c'est un modèle, c'était un modèle tout à fait particulier à Ariane, ça. Je ne sais pas s'il faut dire qu'on rentre dans le rang, mais on s'adapte à un environnement qui fait que le lancement double aujourd'hui, tel qu'on le connaît sur Ariane 5, est effectivement dans la continuité de ce qui était fait sur Ariane 1, 2, 3, 4. finalement, après des années, plusieurs décennies d'avantages, s'avère être aujourd'hui un inconvénient. Donc, avant que ça soit un inconvénient majeur, on change notre fusil d'épaule et on travaille sur un lanceur monocharge. Donc il faut changer de modèle. On va expliquer vraiment pourquoi. Restons un peu sur le lanceur. Donc on voit le premier étage, trois boosters à poudre. Donc c'est quoi la différence entre un booster à poudre et un booster liquide, là, comme celui du troisième étage? Alors c'est un changement, enfin c'est une différence fondamentale en termes de produits de combustion, parce qu'en fait un moteur de fusée, c'est un moteur qui est autonome par rapport à un moteur de voiture, un moteur d'avion, où ces moteurs-là prennent l'oxygène de l'air pour brûler un combustible. Là, la fusée... Il y a toujours une entrée d'air hein, sur voilà. Un moteur, sur un, là, une voiture... Là, la fusée, comme elle part dans le vide assez rapidement, il faut qu'elle ait à la fois l'oxydant et le réducteur. Et il faut de l'oxygène, il faut importer voilà. De l'oxygène qu'on n'a pas dans l'espace. Alors, je dirais il y a deux grands types de propulsion, soit la propulsion liquide, où généralement il y a de l'oxygène, et un autre... C'est-à-dire qu'on mélange voilà, l'oxygène voilà, et puis autre ça chose. Ça peut être de l'hydrogène, du méthane, du kérosène. Mais avec de l'oxygène. Mais toujours liquide, avec des pompes pour alimenter la chambre. Et la deuxième grande famille, c'est ce qu'on appelle la propulsion solide. Donc des moteurs qui sont faits, je dirais, un peu comme de la cuisine, avec des ingrédients qu'on met dans le moteur et qu'on fait cuire pour que cet ensemble-là devienne solide. Et suivant les ingrédients, il y a à la fois le réducteur et l'oxydant. Donc le propulseur à poudre, pardonnez-moi cette comparaison, je ne sais pas si elle est juste du tout, mais c'est un peu comme le feu d'artifice, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de solide, c'est de la poudre, on allume, et puis tout va brûler à l'intérieur en créant une poussée. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce qui brûle à l'intérieur est éjecté par une tuyère, et c'est l'éjection de ces gaz à une vitesse très élevée, qui génère une poussée. Alors on a un deuxième étage là qui est entièrement avec un seul booster à poudre. J'avais jamais vu ça, mais peut-être que mon inculture en matière de spatiale qui parle là, mais c'est quelque chose qu'on voit pas quand même un deuxième étage à poudre entièrement si. On le voit, mais sur des lanceurs plus petits. Ah oui. Par exemple, le petit lanceur européen Vega est une architecture oui, un peu du même type. C'est vrai, oui, j'avais oublié. Mais c'est vrai que sur cette gamme de lanceurs, Ariane 6 ouvre une voie où la place de la propulsion solide est vraiment très importante. Alors Marie-Anne Claire, donc de gros changements là, un lanceur plus petit, on passe au lancement simple, on essaie d'être plus flexible, d'être moins cher. Pourquoi ces changements? Ariane 5, après tout, il a fait ses preuves, on est à 57 tirs d'affilée sans aucun échec. 57 tirs, donc il est extraordinairement fiable. On a un carnet de commandes qui est rempli pour plus de 2 ans, si je me trompe pas. Il y a des dizaines de satellites dans le carnet de commandes, tout va bien. Et vous voulez tout changer, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors effectivement, Ariane 5 est un lanceur très très fiable, c'est un grand succès de l'Europe. Et il y a, comme vous dites, un carnet de commandes qui est rempli pour les 2 ans à venir. Mais alors au CNES, on a l'habitude de se préoccuper du futur un peu plus lointain que les 2 ans qu'on a devant notre nez. Et on se rend compte qu'on a quand même de plus en plus de difficultés à appairer les satellites. Vous l'avez expliqué, on lance sur Ariane 5 2 satellites en même temps. Appairer les satellites, oui, hein, voilà, à les mettre en paire. À les mettre en paire, à faire des couples de satellites. Voilà. Donc on a généralement un satellite de 6 tonnes 5. Les missions les plus classiques, c'est les missions qui emmènent les satellites en orbite géostationnaire, ou de transfert géostationnaire. Donc on a généralement un satellite de 6 tonnes 5, qui est le cœur de marché des satellites géostationnaires. Ça, c'est les gros satellites. C'est les gros. Et avec ce satellite de 6 tonnes 5, on met un satellite plus petit qui peut faire entre 3 tonnes et demie et 5 tonnes en fonction des versions d'Ariane. Et il se trouve qu'on a de plus en plus de difficultés à trouver, on projette d'avoir de plus en plus de difficultés à trouver ces petits satellites, d'autant plus que quand on s'intéresse au marché des lanceurs, on va trouver dans les années qui viennent de plus en plus de lanceurs qui vont être capables de lancer ces petits satellites et qui vont donc manger la part de marché d'Ariane. Et on risque de se retrouver avec nos gros satellites et puis plus de petits satellites pour être lancés avec. Donc, d'accord. Alors que pour commencer à être un peu rentable, Ariane 5 doit effectivement lancer 2 satellites à chaque lancement, parce que sinon... Et même en lançant 2 satellites à chaque lancement, Ariane 5 n'est pas complètement rentable. Voilà. Même en lançant 2 satellites à chaque tir, Ariane 5 n'est pas complètement rentable. Le talent de ce magnifique lanceur, c'est qu'effectivement, au niveau du schéma économique, Ariane 5, on ne peut pas dire qu'il est rentable, on peut même dire qu'à chaque lancement, on est obligé de combler un petit peu un déficit financier. Voilà. De l'ordre de quoi pour chaque lancement? D'une vingtaine de millions d'euros. Ouais, de millions d'euros à chaque lancement. Voilà. Ouais. Bon, ce qui commence à faire, quand on en fait 6 par an, 120 millions par an, ce qui commence à être quand même un gros budget. Et donc, il est temps de se préoccuper de la rentabilité de ce lanceur. Puis on va de plus en plus... Le spatial a eu des moments de grande heure de gloire en termes de technologie. Et maintenant, on va... comme un peu a fait l'aéronautique, hein, on va au-devant de choses où il y a plus de commerce, il y a plus de marché, de besoin de faire de la rentabilité. Donc forcément, les besoins changent. Donc, est-ce que je peux vous permettre de vous interrompre juste une seconde, Philippe Pascal, vous, à propos de cette comparaison entre l'espace et l'aéronautique, vous aviez une analogie, dont vous m'avez parlé. Oui, ce que je vous ai dit, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. La façon d'aborder les choses en termes de lanceurs, où on était sur un produit qui était exclusivement technique, chercher la meilleure performance possible, c'est un peu comme dans l'aéronautique à l'époque où les ingénieurs français ont fait le Concorde, et où le Concorde s'est avéré être inadapté par rapport au marché pour un certain nombre de choses, et où les ingénieurs de l'aéronautique ont changé leur fusée d'épaule pour faire l'Airbus, la 320. Donc je pense que nous, toutes les équipes d'ingénierie de l'Europe spatiale, est au même type de tournant, c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire évidemment un produit éminemment technique, mais qui doit être adapté à un environnement qui est plus celui qu'on a connu pendant 30 ans, quoi. Qui a une compétition, il y a une concurrence qui est devenue énorme, et qui va n'aller qu'en s'amplifiant dans les quelques années qui viennent. Et il faut arriver à faire le virage qui va bien, quoi. Et je pense qu'il faut qu'on fasse notre Airbus de l'espace. Il y a eu une époque, quand même, avec Ariane 5, où on était quasiment le seul lanceur capable de lancer des satellites, puisque les Américains... Le seul lanceur capable de lancer des satellites, oui, quasiment, oui. Les Américains avaient connu des échecs avec leur navette, ils n'avaient plus de lanceur classique. Et donc, la situation était quand même commercialement très, très favorable. Très favorable, oui. C'était au moment d'Ariane 4 en particulier. Voilà, ouais. En particulier. Bon, ça ne sera pas le cas demain. On voit arriver des lanceurs dans tous les pays du monde, en Inde, au Japon, bien peut-être un jour au Brésil, et en particulier en ce moment aux États-Unis, où on voit arriver un nouveau lanceur bas coût qui s'appelle Falcon et qui sort des usines SpaceX. Alors ça, c'est vraiment l'épouvantail du moment. SpaceX, le Falcon 9, hein, qui a fait son premier tir en géostationnaire le 3 décembre. Ça s'est passé comment, ce premier tir? Il faut vraiment pousser très fort, il faut aller envoyer ça sur des orbites qui, au final, vont être des orbites géostationnaires, donc à 36 000 km d'altitude, hein, pour un satellite, donc c'est très loin. Et ça s'est passé comment, ce tir? Bah, pour Falcon, ça s'est très très bien passé. Enfin, ils ont réussi la mission 100%, donc on ne connaît pas encore tous les détails des exploitations techniques de ce vol, forcément, d'autant qu'ils ne nous le diront pas. Ils ont une communication qui est très positive, mais le tout est qu'ils ont mis effectivement un satellite sur une orbite de transfert géostationnaire sans aucune difficulté. Philippe Pascal, vous, l'homme de la technique, vous êtes impressionné par ce que réussit à faire SpaceX? C'est une société qui, il y a 10 ans, n'avait pas fait son premier tir. Et ils ont lancé comme ça des petits lanceurs. Maintenant, ils en sont à faire des tirs géostationnaires. Ils ont des ambitions gigantesques avec Elon Musk à la tête. Est-ce que vous êtes impressionné? Alors, c'est relativement impressionnant parce qu'en fait, effectivement, ils sont partis de zéro. Et dans notre milieu, quand on regarde un peu tout ce qui se passe de par le monde, généralement, il y a un background, il y a une histoire et tout ça. Eux, dans le cadre de SpaceX, sont effectivement partis quasiment de zéro. Bon, pas totalement, parce qu'ils ont récupéré quelques ingénieurs avec le bon profil, qui avaient des compétences, évidemment. Par contre, au niveau de l'outil industriel, Là, ils sont partis complètement de zéro. Et effectivement, bon, ils ont eu quelques difficultés avec leur lancement. Ça s'est pas forcément toujours bien passé. Mais bon, après tout, en mettant l'argent, l'effort et puis l'énergie qui va bien, on finit toujours par y arriver. Ça, on n'a pas trop de doutes là-dessus. La question, c'était est-ce qu'ils y arriveront assez rapidement et surfer une vague de succès, ou est-ce que le premier succès se fera attendre et que bon, ils pourraient se lasser avant d'arriver au succès. Bon, là. Ils ont apporté la preuve que le succès, ils l'avaient assez rapidement, quoi. Alors, Elon Musk se vante d'être la première entreprise spatiale à faire un tir, première entreprise privée. Est-ce que c'est vraiment une entreprise privée ? Est-ce que, à votre sens ? Enfin, c'est une entreprise privée, effectivement, dans ses statuts, mais c'est une entreprise qui est quand même beaucoup subventionnée par la NASA, puisque tous les vols institutionnels qu'ils vont faire seront financés par la NASA, et puis actuellement ils travaillent avec du financement NASA. Donc ils sont effectivement une entreprise privée, on ne peut pas dire le contraire, mais ils n'ont pas un mode de fonctionnement qui est que sur fonds propres. Néanmoins, Elon Musk est quand même un milliardaire qui, lui, met de l'argent personnel sur la table, chose qui n'existe pas du tout en Europe. Et puis les Américains, ils ont un talent de communication, et de que les Européens ont peut-être moins, donc effectivement ils surfent sur la vague du succès, comme a dit Philippe. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont bénéficié quand même d'énormes financements NASA. C'est des centaines de millions de dollars qui ont quand même été injectés par la NASA dans la société SpaceX, d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a eu des ingénieurs NASA qui sont venus et qui ont apporté leur contribution, leur savoir-faire. Il y a quand même eu aussi un apport en nature, si je puis dire. Oui, et puis techniquement, ils n'ont pas fait d'innovation. Ils ont utilisé des choses qui étaient déjà préexistantes, qui étaient financées par ailleurs. Donc ils ne sont pas partis d'une feuille blanche par rapport aux lanceurs. Hein. Donc ça facilite quand même grandement les choses. Et c'est ce qui leur a permis, en faisant peu de pratiquement d'innovation technique et en utilisant des technologies bien éprouvées, de faire un développement relativement peu coûteux et en un temps très court. Bon, par ailleurs, il faut quand même aussi bien préciser que si Elon Musk a mis la mise de départ, rapidement, il a pu mettre l'argent de sa poche, et c'est bien les financements étatiques qui lui ont permis de faire les développements qu'il a fait. Alors, avant de vous passer la parole pour que vous puissiez poser vos questions, donner vos avis, apporter vos commentaires, j'avais quand même une petite question. On a bien compris que cette Ariane 6 est là pour continuer à exister sur le marché, continuer à remporter une bonne part des lancements commerciaux, des satellites commerciaux, c'est-à-dire des satellites qui finalement se choisissent hein, leur lanceur. Comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que Ariane 6 soit effectivement moins coûteux, plus économique ? C'est quoi la martingale, la manière de faire ? Alors la martingale, elle est multiple. Déjà, Philippe vous a expliqué qu'il y avait deux moteurs sur Ariane 6. Il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq, il y en a deux. Deux sortes de moteurs différents. Ouais. Donc il y en a quatre. Alors je remarque que sur notre table, nous avons deux lanceurs, mais qu'il y en a deux autres qui ne sont toujours pas revenus. Alors il y en a un là. Et un autre là-bas. Je ne sais pas s'ils ont été tirés. Ils sont là pour se promener. Voilà, donc on va avoir les quatre moteurs, trois au premier étage et celui du deuxième étage qui vont être parfaitement identiques. Donc en termes de développement, bien évidemment, ça ne fait qu'un seul moteur à développer. Et en termes de coûts récurrents, on aura un effet cadence qui fait que on va pouvoir tirer des prix, comme on dit. Hein. Donc moins de moteurs. Moins de moteurs. Ça facilite les choses. Un moteur cryogénique quand même au dernier étage. Bon, ça, effectivement. Un moteur cryogénique qu'il va falloir développer là. Qui est en cours de développement et qui sera utilisé sur une version intermédiaire d'Ariane 5, qu'on appelle Ariane 5ME. Alors ça, on y reviendra effectivement peut-être. Voilà, effectivement, il y aura une autre version d'Ariane 5 qui va arriver, qui est Ariane 5ME. Ce qu'il faut comprendre là pour compléter la réponse, c'est que il n'y a pas de magie. Pour réduire les coûts, c'est quelque chose qu'on connaît très bien et dans pas mal de secteurs industriels. Moins il y a de pièces, moins ça coûte cher. Donc l'idée d'Ariane 6, c'est de faire un lanceur plus simple que celui qu'on a connu sur Ariane 5 et même sur Ariane 4. Et c'est ça qui justifie entre autres la propulsion solide. Parce que la propulsion solide, c'est peut-être moins performant que la propulsion liquide en termes d'efficacité et d'impulsion spécifique, pour employer un terme un peu plus technique. Par contre, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de pièces et donc ça coûte beaucoup moins cher. Donc l'idée principale Parce qu'un moteur pyrotechnique, hein, comme ça, un moteur à poudre, c'est un tube, si je puis dire. On le remplit d'une pâte, qui est, tout ça est très compliqué évidemment. Qui se solidifie. Il faut surtout qu'il n'y ait pas de bulles au moment où on met la pâte à l'intérieur, etc. Enfin, c'est évidemment extraordinairement complexe, mais sur le principe, c'est un tube. Voilà. La pâte se solidifie, et à un moment donné, on allume le pétard, et ça brûle. Et il y a une cuillère. Une cuillère, c'est-à-dire la cloche qui est en dessous, hein. On la voit sur l'écorché, hein. C'est la tuyère qui est en dessous, c'est l'espèce de cloche qui se trouve en dessous et qui va diriger les gaz. Hein. Voilà. Ouais. Alors c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de pièces que sur un moteur à ergol liquide qui s'apparente un peu à un moteur d'avion avec des compresseurs, des turbines, des roulements, des vannes, des tuyauteries, tout plein de choses complexes. Alors certes, et c'est pour ça qu'on en maintient en troisième étage, la performance est meilleure, l'efficacité est meilleure et donc on a toujours un moteur comme ça. Mais pour pouvoir s'arracher du sol, c'est le problème d'une fusée qui part sans vitesse initiale, c'est de s'arracher du sol. Et pour faire ça, il faut beaucoup de poussée. Et donc, pour avoir beaucoup de poussée, eh ben, il y a un moyen simple. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a sur Ariane 5, puisque 90% de la poussée au décollage d'Ariane 5 est faite par les boosters latéraux, les gros moteurs à propergol solide. Donc, c'est cette idée-là qu'on a poussée un peu plus loin, avec plus de moteurs à poudre, et un peu moins de propulsion liquide. Et ce faisant, on a un lanceur qui est plus simple, moins de pièces, et donc intrinsèquement moins coûteux qu'un lanceur plus classique avec propulsion liquide. Alors j'ai cru comprendre que tout ça était assez simple. C'est un peu comme une recette de cuisine, donc je vous ai un peu synthétisé la recette de cuisine. Faire une jolie fusée, c'est vraiment pas très compliqué. Prenez vos petits ingrédients et concentrez-vous un instant. On incorpore dans une bonbonne une pincée de 800 tonnes et tranquillement on saupoudre avec du booster en poudre. Donnez une forme conique, faites chauffer au four électrique. Si ça rend bien sur la paillasse, balancez tout ça dans l'espace. Pour faire une jolie fusée, c'est vraiment pas très compliqué. Moi, de pièces, moins ça coûte cher, on peut vraiment en être fier. Bravo! Merci! Alors, c'est pas très compliqué, mais on n'a pas tout dit quand même. Et donc, voilà, si vous avez des interrogations, ben je viens à vous avec le micro. Voilà. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus quand même de l'industrie, des industriels, du montage industriel qui permet justement de fabriquer ce lanceur, c'est-à-dire le maître d'œuvre, ne pas l'oublier quand même, c'est Astrium. En gros, les industriels responsables de chaque partie, par exemple des boosters, du moteur cryogénique, etc. Et puis en plus, nous donner le prix, le prix d'un lancement et le coût du total du développement de ce lanceur. Alors déjà les chiffres, le coût récurrent du lanceur, c'est 70 millions d'euros visé. Et le coût récurrent, ça veut dire... C'est-à-dire à chaque fois. C'est le coût, c'est pas forcément le prix auquel on le vend, si ? Aujourd'hui, ça sera le coût de lancement et ça sera le prix, on vise que le prix égale le coût. Hein. Peut-être qu'on aura d'autres politiques commerciales dans le futur, mais enfin aujourd'hui, on vise un prix de lancement qui correspond au coût de lancement de façon justement à avoir un schéma économique équilibré, donc avec une cadence dite de 9, c'est-à-dire 9 lancements par an, on envisage... Avec 9 lancements par an, alors qu'avec Ariane 5, on est à entre 4 et 6 lancements par an. Donc il vous faut plus de lancements chaque année. Il nous faut plus de lancements, mais puisque nous lançons à chaque fois un seul satellite, donc avec Ariane 5, on en lance 2, donc 2 lancements d'Ariane 5, enfin 4 lancements d'Ariane 5 avec 2 satellites, ça fait 8 Ariane 6. Et on pense que 4, c'est vraiment les années de vache maigre. Hein. Donc généralement, on est plutôt autour de 6 lancements par an. Donc 6 fois 2, 12. Donc ça veut dire qu'avec Ariane 6, ça correspondrait à 12 lancements par an. Donc l'idée, c'est d'avoir un schéma économique équilibré à 9 lancements. Donc ça veut dire qu'à 12 lancements, on peut imaginer que le schéma permettra de dégager des bénéfices. Voilà. Et donc d'intéresser les industriels réellement à ce nouveau marché commercial. Voilà. Alors 70 millions, vous voyez, de dollars hein, ou d'euros ? Non, d'euros. D'euros, d'accord. Et pour ce qui est de SpaceX, à combien vendent-ils leur lancement là ? Ils sont plutôt autour de 55 millions de dollars, donc c'est effectivement beaucoup moins cher. Néanmoins, ils ne sont pas encore dans une démarche vraiment commerciale. Et leur prix n'a fait que augmenter, leur prix de vente, leur coût on ne le connaît pas, et leur prix de vente n'a fait que augmenter depuis qu'ils sont sur le marché. Donc on verra ce que ça donnera d'ici une dizaine d'années quand Ariane 6 arrivera également sur le marché commercial. C'est-à-dire que vous comptez, alors Philippe Pascal, vous en prie. 150 millions de dollars pour les navires quand même. Oui, alors effectivement, on a des chiffres où Falcon vend ses lancements à 150 millions de dollars pour la NASA. Donc pour les marchés commerciaux, ils sont autour de 55 millions d'euros, de dollars, et pour la NASA, ils sont à 150. Quoi. Est-ce que vous imaginez qu'ils vont conserver cette espèce d'asymétrie, car finalement faire payer cher la NASA et du coup pouvoir proposer des lancements commerciaux moins chers ? C'est difficile de se projeter là-dessus. En tout cas, ils peuvent le faire. Voilà. Donc, s'ils décident de continuer comme ça, peut-être la NASA, au bout d'un moment, va dire quelque chose. Va commencer à tiquer, mais pour le moment, ce n'est pas tout à fait le cas. Ouais. Alors, le coût de développement maintenant d'Ariane 6... Vous aviez peut-être quelque chose à ajouter sur ce point, Philippe Pascal. Non, je voulais juste dire qu'un coût de lancement pour la NASA à 150 millions de dollars... C'est vraiment une bonne affaire pour la NASA parce qu'ils sont habitués avec les lanceurs traditionnels à payer beaucoup plus cher pour leur lancement institutionnel. Donc c'est là le lancement institutionnel, il faut rappeler, le lancement institutionnel, c'est quoi ? C'est le lancement de... La défense, pour la défense aux États-Unis. Donc c'est pas la NASA la défense, hein, mais bon, c'est la science, la défense et tout ça. Donc ils ont des coûts de lancement qui sont extraordinairement élevés par rapport à ce qu'on connaît. Et par rapport à ça, ils sont lancés sur Atlas, par exemple, Delta. Et ce sont des lanceurs extrêmement chers. Ce sont des lanceurs qui sont vendus extrêmement chers au niveau des États-Unis. Et donc SpaceX arrive, même avec un coût de lancement de 150 millions de dollars, à paraître comme être un lanceur intéressant économiquement pour la puissance publique américaine. Et donc si leur coût de lanceur... Et inférieur à ça, ça leur dégage une puissance financière qui leur permet de faire du lancement commercial en cassant les prix. D'accord. Bon, première partie de la réponse. Alors la deuxième partie concernait le coût de développement. Donc le coût de développement, c'est autour de 3 milliards et demi d'euros pour le développement de ce lanceur Ariane 6. Ça a coûté 3 milliards et demi d'euros de développer donc Ariane 6. C'est cher, 3 milliards et demi, on ne se rend pas compte à ce niveau-là. Oui, c'est ça, à ce niveau-là, on ne se rend pas vraiment compte. Non, c'est pas excessivement cher, mais néanmoins, il va falloir les trouver. Et vous connaissez tous les finances publiques des États européens aujourd'hui, donc ça sera forcément un investissement. Mais bon, ça fait aussi travailler beaucoup l'industrie, donc ça crée des emplois. Donc c'est quand même globalement une histoire qui n'est pas fond perdu du tout. Quoi. Voilà. Alors si on compare au coût de développement d'Ariane 5... Alors, je ne connais pas le chiffre sur Ariane 5. Alors, moi, j'ai trouvé le chiffre de 7 milliards. Oui, je pense que c'est 7 milliards d'euros et 10 milliards si on compte les versions qui ont suivi, l'ensemble des versions. Donc, voilà, là, on est à 3 milliards et demi par rapport à 7 milliards, c'est quand même pas beaucoup. Non, effectivement. Parce comment est-ce qu'on arrive à avoir des coûts qui sont finalement si bas ? Excusez-moi, pour 3 milliards et demi, c'est un peu bizarre de dire ça, mais... D'ailleurs, pour 3 milliards et demi, on n'a plus rien aujourd'hui. On a Ariane 6 quand même. Voilà, alors on a Ariane 6. Pas mal, quoi. Alors, on l'a expliqué, hein, donc on développe que deux moteurs, alors que sur Ariane 5, on en a trois. On va également essayer sur Ariane 6 de faire jouer beaucoup plus la concurrence peut-être qu'on ne l'a fait sur Ariane 5 où on a une démarche qui était très orientée retour géographique vis-à-vis des différents pays. Là, on va essayer d'avoir des modes de fonctionnement européens qui sont moins sur le retour géographique. On va mettre les industries, les industriels en concurrence sur un certain nombre d'objets, par exemple la coiffe peut-être réalisée par par Contraves, Ruag aujourd'hui, comme c'est le cas sur AN5. Elle peut être aussi réalisée par Astrium, pourquoi pas. Donc pourquoi pas les mettre en concurrence. Donc il y a une partie qui sera mise en concurrence, et puis il y a une autre partie qui est très intéressante aussi, qui va être simplification du montage industriel. Parce qu'aujourd'hui, sur Ariane 5, on peut avoir jusqu'à 5 industriels en ligne pour faire réaliser quelque chose. Donc le maître d'œuvre Astrium peut avoir jusqu'à 5 sous-traitants, donc 5 niveaux de sous-traitance. À chaque fois, ça veut dire des coûts de fonctionnement, ça veut dire des overheads des différents industriels. Des overheads. Voilà, alors la traduction française, je ne la connais pas bien. C'est des marges de profit, des charges des différentes dans la chaîne industrielle. Donc on va essayer sur Ariane 6 de rationaliser un petit peu tout ça de façon à avoir des montages qui sont plus intéressants. Et on va travailler également sur les temps de fabrication, puisque en travaillant sur les temps de fabrication, les cycles de fabrication, on diminue très rapidement les coûts de développement. On veut fabriquer plus vite. Alors ça, c'est pour diminuer les coûts. C'est pas ça que j'ai dit, c'est quoi le temps de fabrication? C'est pas ça? Si, c'est ça, on D'accord. va travailler plus vite, on va fabriquer plus vite. D'accord. Est-ce qu'on a répondu à vos questions, monsieur? Alors non, il y avait une dernière question sur les industriels. Voilà, alors les industriels, qui sont-ils? Ça va être un peu les mêmes. Hein. On va trouver Astrium, on va se trouver Snecma, on va trouver... Snecma, c'est pour les moteurs. Snecma, c'est pour les moteurs propulsion liquide. On va Astrium, trouver... c'est une filiale de ADS. Astrium, c'est une filiale de ADS. Alors aujourd'hui, elle est en pleine réorganisation avec la venue de Airbus Group, hein, mais donc il y aura quand même les bureaux d'études des Mureaux qui existera et les usines de fabrication également. Et puis on va trouver Héraclès sur les propulseurs à poudre, mais il y a également des nouveaux industriels que nous n'avons pas sur AN5, comme Avio, qui travaille sur le petit lanceur Vega et qui va se positionner probablement sur Ariane 6 également. Alors le montage industriel, on ne peut pas vous le dire aujourd'hui puisqu'il n'est pas fait, il est en cours de réalisation, et donc il y a un certain nombre d'appels d'offres qui sont en cours. On ne sait pas encore qui va faire quoi. On ne sait même pas qui sera le maître d'œuvre, c'est-à-dire qui sera le... Sait que Astrium sera maître d'œuvre, mais est-ce qu'il sera en co-traitance avec les motoristes à la tête d'un consortium qui regroupera motoristes et systémiers pour développer le lanceur, ou est-ce qu'il sera à la mode Ariane 5 en termes de prime avec des contractants avec les principaux industriels? Ça, c'est pas encore décidé, et c'est tous les enjeux d'Ariane 6 dont on discute actuellement. L'objectif étant d'arriver à une définition de ce panorama au premier semestre 2014. Ouais, tout ça va commencer à cristalliser là au premier semestre 2014. Et à la fin 2014, il y a une échéance politique extraordinairement importante. Voilà, alors à la fin de 2014, il y a une conférence ministérielle des États membres de l'Agence spatiale européenne. Donc ça veut dire que ce sont les ministres de l'espace qui se réunissent. Alors les ministres de l'espace... Ça n'existe pas vraiment. Chez nous, c'est le ministre de l'Industrie, de la Recherche, etc. Oui. Donc les ministres, effectivement, se réunissent et décident si oui ou non, ils vont vouloir faire ce lanceur Ariane 6. Donc est-ce que les montages industriels leur conviennent? Est-ce que les budgets qu'ils doivent mettre en place sont accessibles? Et voilà, donc ça sera une échéance politique, effectivement, de premier ordre. La décision devrait être prise de la façon formelle dans un an. Dans un an. Voilà, c'est ça. Donc la décision n'est pas encore non plus complètement prise. Hein. Donc on est en phase d'avant-projet, en quelque sorte. Donc on a un design technique, on n'a pas encore le montage industriel qui va avec, on ne sait pas encore très bien non plus quel type de lien il y aura entre les industriels pour faire ce lanceur, mais on travaille à tout ça. Oui. Bon, moi j'ai beaucoup de questions, alors je ne vais peut-être pas tout poser en même temps. Oui, je reviendrai à vous. On verra après, oui. Sur le plan commercial, disons, Ariane 5, on disait qu'elle lançait un satellite principal de 6 tonnes et demie plus un plus petit. Là, il y en aura un seul. La masse prévue, c'est la même, environ 6 tonnes et demie, ou on est au-dessus ou en dessous? Non, on a 6 tonnes et demie actuellement, oui. Donc c'est le même satellite principal dans ce cas-là. Voilà, c'est le même satellite principal, et avec le même lanceur, eh bien on lancera des satellites moins lourds. Et alors pendant que j'y suis, est-ce qu'il est prévu une compatibilité pour que si un satellite devait être lancé par Ariane 5 avec un autre et que pour une raison quelconque ça ne soit pas disponible, ça serait interchangeable avec Ariane 6? à terme, on n'envisage pas de l'exploiter Ariane 5 et Ariane 6. Ariane 5 disparaîtrait. Voilà, donc il va y avoir une période de transition, effectivement, le temps qu'Ariane 6 monte en cadence, hein, passe de son premier vol de qualification prévu en 2021 aux 9 vols par an, comme je vous l'ai dit, qui auront lieu 3 ans plus tard. Alors justement, dans la phase où les deux seront présentes, est-ce qu'il y a une compatibilité ou est-ce que les satellites seront prévus uniquement pour le 5 ou uniquement pour 6? Non, ça c'est quelque chose qui se règle le moment venu en fonction des difficultés, mais un satellite n'est pas dédié à un lanceur. D'ailleurs, on voit régulièrement que Arianespace récupère des satellites sur Ariane 5 qui devaient être lancés sur Proton, des choses comme ça. Donc, bon, il peut y avoir des contraintes mécaniques, géométriques, etc., qui rendent ça difficile. Non. C'est relativement standardisé, même si ça ne l'est pas complètement. Et donc un satellite n'est pas spécialement dédié à un lanceur. Par contre, il faut faire un certain nombre d'études pour vérifier les compatibilités. Mais bon, généralement, ce n'est pas ça qui pose de réelles difficultés. D'ailleurs, pour juste compléter ce que disait Marianne, pourquoi Citon 5 comme limite d'Ariane 6? C'est qu'aujourd'hui, avec les lanceurs existants, et c'est le maximum qu'on peut faire avec Ariane 5, c'est aussi le maximum qui est possible sur le marché avec Proton. Et en gros, les fabricants de satellites se calent sur cette taille-là. Ça ne sert à rien de faire un satellite plus gros qui ne pourrait pas être lancé par un lanceur ou exclusivement par un seul lanceur. Donc on voit bien que le marché, et on est en interaction assez fréquente avec le milieu des fabricants de satellites, bon, il y a une stabilisation qui s'est faite et on pense que cette cible de Citon 5 est une cible qu'il faut vraiment avoir en tête, quoi. Alors justement, toujours sur ce côté marché, entre guillemets, vous avez parlé de concurrence avec la boîte SpaceX, voilà. Quelle est la masse que pourra lancer leur fusée? Est-ce qu'on est dans la même zone ou pas? Parce que je suppose que c'est plus petit. Ouais, aujourd'hui, ils sont un équivalent lancement Kourou à 3,7 tonnes et ils envisagent d'être... On parle bien de lancement géostationnaire. Aujourd'hui, ils sont à 3,7 tonnes. 3,7 tonnes en équivalent Kourou, hein, c'est-à-dire... En équivalent Kourou, d'accord. Oui, c'est-à-dire qu'ils peuvent lancer un peu plus, mais vu qu'ils sont mal positionnés en termes de latitude, ça fait qu'ils ont un satellite qui arrive en orbite qui est plus faible. Bon, bref, donc c'est l'équivalent. S'ils lançaient de Kourou comme nous, ce serait 3,7 tonnes. Voilà. Et ils envisagent d'avoir un Heavy, là, dans les années qui viennent, qui lancera... Un Heavy, ça veut dire une version lourde du Falcon 9. Jusqu'à 6 tonnes aussi, hein, je crois, 6 ou 6 tonnes et demi à peu près, voire plus, à peu près l'équivalent. Enfin, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et qu'en est-il de Proton au point de vue prix? Alors, il faut dire que le Proton... On est sur le même créneau, là, pour le coup. Alors, pour rappeler ce qu'est Proton, vous voulez bien rappeler ce qu'est Proton, d'abord, s'il vous plaît? Oui, alors Proton, c'est un lanceur russe qui est lancé depuis, qui est commercialisé par Arianespace et qui est lancé depuis Kourou. C'est un lanceur... C'est pas commercialisé par Arianespace, Proton? Non, pas Proton, excusez-moi. D'accord, Soyuz, oui, d'accord. Non, Proton, donc, qui est commercialisé par ILS, donc ce sont des Américains. Alors Kourou... Donc c'est un lanceur russe commercialisé par des Américains. Voilà, et Proton, il lance jusqu'à 6 tonnes 5 à peu près, hein, je crois, c'est ça? C'est, ouais. Ouais, et à 100 millions de dollars, c'est ça. 100 millions de dollars. Donc Ariane 6 serait sur le même créneau, mais moins cher, d'après ce qu'on a dit. Non, 70 millions d'euros et 100 millions de dollars, c'est pas très différent. Il faut faire la conversion en permanence. Alors, que sera l'équivalent dollar-euro dans 15 ans? Bon, moi, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, mais aujourd'hui, c'est à peu près pareil. Aujourd'hui, c'est à peu près pareil. Donc, il s'agit de se mettre au niveau de Proton en termes de capacité d'emport. En termes de prix, donc sur quoi Ariane 6 compte-t-il faire la différence par rapport à Proton? Ben, ce sont les arguments qu'Arianespace développe aujourd'hui, qui lui permet de vendre en gros un service à un client 20% plus cher que ce client pourrait trouver, par exemple, en allant sur Proton. Aujourd'hui déjà, Arianespace vend des lancements, remporte la moitié des satellites commerciaux, hein, donc c'est important, tout en étant 20% plus cher que le Proton. Grosso modo, oui, et ça, il y a un certain nombre de raisons. Les clients ne payent pas plus pour le plaisir de payer plus. Bon, il y a quand même une notion de service. Donc en Guyane, le client a besoin d'un certain nombre de travaux à faire pour ses besoins en propre. Donc il y a tout un service qui est proposé par la base de lancement. Par exemple, c'est quoi ? Vous dites que le client, c'est-à-dire celui qui veut lancer le satellite... Bon, il a des contrôles à faire sur son satellite. Il a des contrôles techniques, Il a des remplissages à faire. Il faut préparer le satellite par rapport à la mission. Et donc tout ça, c'est fait dans un cadre avec des installations qui sont complètement rodées et qui font que le client fait un travail très efficace et très rapide. Et qui sont de bonne qualité aussi. Qui sont de bonne qualité. Ouais. Donc il est prêt à payer plus cher pour avoir un service au sol... Qui est très bon. Et par ailleurs... Chez Proton, on n'a pas la même qualité de service. En tout cas, celui qui est proposé en Guyane, il est du meilleur niveau qu'on puisse faire. Et après, la précision d'injection, la fiabilité... La précision d'injection, c'est-à-dire la précision du lancement. Enfin, du lancement, lorsque le client veut aller sur une orbite à un endroit donné et à un moment donné... Bon, avec telle vitesse, avec telle vitesse. Y a plein de paramètres au moment où on lâche le satellite qu'il faut respecter. Donc ça, on a un lanceur, et ça a toujours été la marque de fabrique des lanceurs Ariane, c'est un lanceur qui est très précis, et donc ça, le client l'apprécie particulièrement. Et on a un niveau de fiabilité qui est quand même, depuis pas mal d'années maintenant, qui est excellent. 57 tirs sans échec. Si on prend le cas du Proton... Bon, c'est la première année où ils n'ont pas d'échec. Les quatre dernières années, ils avaient un échec par an. Donc, le client, il est prêt à payer ça ou pas. Bon, c'est moins cher, mais c'était un peu moins fiable. La différence, elle se fait aussi sur la fiabilité. Ouais. J'avais une dernière question sur le côté commercial. C'était si vraiment les SpaceX vend 150 millions de dollars à la NASA, qu'est-ce qui, à part le patriotisme financier, empêcherait la NASA de dire ben finalement Ariane 6 ça sera moins cher, du coup ils perdraient leur client à 150, ils ne pourraient plus le vendre au privé à 50, à 55. Je n'ai pas compris la question. Excusez-moi, je n'ai pas vraiment compris. Qu'est-ce qui empêcherait la NASA de lancer avec Ariane 6 au lieu de SpaceX à 150, parce que 150 c'est moins cher que ce qu'ils ont payé d'habitude, mais c'est plus cher que Ariane 6. Oui, mais là ils ont une politique, politique spatiale qui fait qu'ils ne lanceront pas leur satellite institutionnel, voire leur satellite militaire avec Ariane 6. Satellite militaire, ça c'est sûr que non. Et puis, on imagine mal la NASA. Mais même les satellites institutionnels de la NASA, on l'envisage pas du tout. C'est vraiment des marchés captifs. Pour d'autres questions après, sur le côté technique, la précision d'Ariane 6, d'Ariane 5, c'est très bien. Mais justement, Ariane 6, si ça utilise des moteurs à poudre, une fois qu'il est allumé, il ne peut que continuer à brûler. Donc c'est beaucoup plus difficile à contrôler, même en ayant un profil de combustion très étudié. Donc il faut que l'étage, c'est le troisième étage, je suppose qu'il y a le transfert géostationnaire, il faut qu'il soit capable de rattraper tous les écarts qu'il peut y avoir eu dans la mise en orbite, l'équivalent de la mise en orbite avec le premier. Donc oui. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes assez redoutables? Alors ça, il faudrait expliquer la question est importante pour ceux qui s'intéressent à la technique. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un moteur, quand on fait une mission, qu'on prépare une mission, on fait des prévisions. Et donc on fait des prévisions de fonctionnement de chaque moteur, de chaque étage, qui s'allume à un moment, qui s'éteint à un autre moment, l'étage suivant prend le relais, et ainsi de suite, avec des niveaux de performance prévus par chaque moteur. Alors il est vrai qu'entre les prévisions et le réalisé... Je me permets de vous interrompre, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de tout à fait particulier avec les boosters à poudre, c'est que quand on les allume, eh bien, toute la poudre va brûler. On ne peut pas interrompre le moteur. Par exemple, si on est en train de pousser un peu trop, on s'aperçoit qu'il y a eu moins de vent que prévu, que sais-je, pas quoi. J'allais y venir. Pardon. C'est qu'effectivement, une spécificité de la propulsion solide, c'est un peu comme une allumette. Une fois qu'on l'a allumée, elle brûle jusqu'au bout. Alors que la propulsion liquide, c'est un peu comme un briquet. On l'allume. Et si, par rapport à la trajectoire qui était visée, par exemple, on est en avance... Bah l'ordinateur de bord de la fusée est capable de le détecter et de couper un peu plus tôt les moteurs si besoin est. Bon, par ailleurs, comme vous disiez, on a un étage supérieur cryotechnique qui, lui, va fonctionner pendant une durée beaucoup plus longue que les moteurs à poudre du premier et du deuxième étage. Et donc, de toute façon, on a cette capacité à récupérer une situation qui ne serait pas exactement celle prévue en termes de prévision par rapport à la mission. Donc, les boosters peuvent... Et deuxième chose... Les boosters à poudre peuvent induire des écarts, hein, c'est ce que disait. Mais vous, vous dites, voilà, avec le dernier étage, on pourra récupérer les écarts de vitesse, de trajectoire, légers écarts possibles. Alors, on comprend bien que si ces écarts sont très importants, on va se pénaliser au niveau du troisième étage à devoir compenser des choses qui pourraient être très variables. Et donc, on pourrait, dans le pire des cas, se dire, j'emmène énormément d'ergol, oxygène, hydrogène, liquide, pour rien si mes moteurs fonctionnent normalement. Bon, il se trouve que quand même, depuis 20 ans... Et ça coûte cher, hein, les ergols, tout ça, c'est de la masse. C'est de la masse. La masse, c'est de l'argent. Hein. Ben, c'est pas tellement que c'est de l'argent, même si c'est vrai, mais c'est surtout de la capacité d'emport en moins qu'on peut affecter sur le client, sur la masse du satellite. Bon, il se trouve que la propulsion solide a quand même fait énormément de progrès en termes de prévision et on maîtrise beaucoup mieux la propulsion solide qu'il y a une trentaine d'années. Et donc on a fait énormément de progrès dans ce domaine-là, dans le spatial, premièrement avec les moteurs d'Ariane 5. Et deuxièmement... Il y a deux gros boosters. Deux gros boosters. Ils sont énormes. Et deuxièmement, sur les moteurs à propergol solide du petit lanceur Vega, qui sont quand même très proches des moteurs qu'on utilisera sur Ariane 6. Et donc, les écarts qu'il peut y avoir entre les prévisions et la réalité sont devenus quand même très faibles maintenant. Et donc, les écarts de fonctionnement en vol seront minimes. Et donc, on n'aura pas besoin d'emmener des quantités d'ergol pour récupérer une situation, comme ça aurait pu être le cas il y a une trentaine d'années, par exemple. Oula, ça commence mal, là. Qu'est-ce qu'il y a de sortir, Raphaël? La concurrence résonne, oui, résonne. La NASA à Houston. Vend sans cesse le Falcon, mais faut pas que ça nous impressionne. Qu'avec Ariane, pour nous ça plane, au pays de Marianne, on est tous fans d'Ariane. Nos emplois, notre industrie prospéreront. Dans le ciel, nos satellites danseront. À contrer la concurrence, nous serons pros. Nous serons fiers comme des hérons. C'est pour la rime en rond. Qu'avec Ariane, pour nous ça plane. Au pays de Marianne, nous on est tous fans d'Ariane. Ariane, merci. C'est dommage qu'il n'y ait pas le son sur Twitter, hein, parce que les tweetos qui nous suivent ne peuvent pas entendre les chansons de Raphaël. Tant pis, ils n'avaient qu'à être présents. Mais ils arrivent à suivre quand même la soirée grâce à nos tweetos qui sont ici présents. Et on a une question sur Twitter. Une question qui est revenue deux fois. On nous reproche de ne pas parler d'impact environnementaux. Ah. Savoir s'il y a une différence entre Ariane 5 et Ariane 6 et savoir s'il y a une politique générale de changement à ce niveau-là. Donc c'est une préoccupation, je dirais, qui est dans l'air du temps. Et donc on fait des analyses et on a mené des analyses de cycle de vie sur Ariane 5, sur Ariane 6. Et on cherche à réduire l'impact environnemental de nos activités. Il y a déjà des choses qui se font dans ce domaine-là. Typiquement, puisqu'on parle de propulsion solide, lorsqu'il y a des déchets au cours de la fabrication, par le passé, ces déchets, on les brûlait. Bon, alors, ça peut être en Guyane et il n'y a pas grand monde. C'est quand même pas très, très bon pour, d'une façon globale. De quels déchets est-ce que vous parlez? Mais des résidus de propergol, par exemple. Ah ouais. Lorsqu'on fabrique... Le propergol, c'est l'oxygène liquide et l'hydrogène liquide. Hein. Non, c'est la poudre. Ah, la poudre, pardon. C'est la poudre. Donc, il y a des résidus de poudre, d'accord. Oui, parce que ces moteurs-là sont fabriqués, la poudre est coulée en Guyane, donc il y a des usines là-bas. Et donc il y a des résidus parce que bon, tout ce qui est fabriqué n'est pas utilisé dans le moteur. Et on a travaillé avec l'industrie française sur l'élimination de ces déchets par des bactéries, typiquement. Ah ouais. Pour éviter de brûler et d'envoyer des produits dans l'air. Des fumées un peu toxiques, nocives en tout cas. On voilà. a une approche. Et alors ça marche, vous avez des amendes de bactéries là, oui, oui, ça marche. Ah d'accord. Elles sont très heureuses. Bon, parfait. Non seulement on émet moins de fumées toxiques, mais en plus on rend les bactéries heureuses. C'est bon pour la biodiversité. Hein ? Bon, ça c'est un exemple parmi d'autres. Vous savez qu'il y a une législation qui est en train de se mettre en place, qui est très contraignante, qu'on appelle REACH. Et donc, dès la conception, on utilise des matériaux, des traitements de surface qui se veulent, on dit compliant, conformes ouais. aux législations qui sont en train de se mettre en place et qui font que, de fait, on sera meilleur sur des quantités de choses sur Ariane 6 qu'on ne l'était par le passé sur Ariane 5, par exemple. Bon, on a un souci aussi de... Une des grosses sources d'impact sur l'environnement, ce sont tous les déplacements des ingénieurs pour faire des missions, pour se balader un peu partout en Europe, pour faire des réunions. Bon, on développe de plus en plus... Ah oui, c'est vrai, parce qu'on est quand même sur 12 pays, là, avec... Une activité à l'échelle européenne. Donc, on développe... Parce que là, je vais vous faire remarquer à cet égard que SpaceX a une spécificité, c'est que tout est fait au même endroit. Pratiquement, oui. Hein. Oui. Ouais. Donc nous, on est quand même sur une activité européenne et je pense qu'il faut être fier de ce qui est fait avec Ariane et c'est quand même un beau succès. Et de parvenir à fédérer tous ces pays. Hein, au niveau européen et on espère bien continuer de même avec Ariane 6. Bon, malgré tout, les ingénieurs, pour des besoins qu'on comprend très bien, se déplacent un peu partout en Europe. Et ces déplacements, quand on fait le cumul, représentent un impact environnemental qui commence à être significatif avec les voyages en avion. Et donc, on cherche à réduire ces déplacements en développant des visioconférences, des choses comme ça, des nouvelles méthodes de travail qui permettent de limiter l'impact environnemental. Alors, je rajouterais, effectivement, le lanceur, quand on le voit, on dit que c'est lui qui pollue le plus. Et en fait, effectivement, fine paraison, c'est les déplacements. Et c'est également, en Guyane, on a fait des études de cycle de vie, ce qui pollue le plus, c'est la climatisation des bâtiments, de façon très surprenante. Donc, on travaille et également sur des énergies renouvelables pour climatiser les bâtiments. D'autres interventions, peut-être de ce côté-là, qui voudraient s'exprimer? Non? De ce côté-là, on a tout compris, tout est bon? Non. C'est bon? Je reviens à vous alors? Non, monsieur, allez-y. Bonsoir. Donc moi j'avais deux questions. La première, pourquoi Ariane 5 n'est pas rentable aujourd'hui? Et la deuxième, comment vous en êtes arrivé au design de ce lanceur là, tel qu'on le voit sous forme de maquette? Alors je vais essayer de répondre à la première partie. Pourquoi Ariane 5 n'est pas rentable? Je crois que c'est parce qu'effectivement c'est un lanceur qui est d'une très grande technologie, donc forcément des objets très chers. Et avec un montage industriel qui est excessivement compliqué. Ça, c'est vraiment quelque chose qui... Ce montage industriel a été fait pour des problèmes de retour géographique, essentiellement, au niveau européen. Donc, alors, qu'est-ce qu'on appelle le montage industriel, exactement? C'est une question... Vous avez dit un mot tout à l'heure, mais c'est une question capitale. Oui, alors c'est la façon dont les industriels sont organisés pour réaliser cet objet. Donc en fait, il y a Astrium sur N5 qui est maître d'œuvre, et il a un certain nombre de sous-contractants qui réalisent... Pas l'architecte, mais enfin le metteur en musique, le chef d'orchestre, je dirais. Oui, voilà, le chef d'orchestre, et également il fabrique un certain nombre de pièces, et il se livre à l'intégration aussi complète du lanceur en Guyane. L'intégration, ça veut dire il y a plusieurs bouts qui sont fabriqués. Plusieurs morceaux qui arrivent indépendamment, ouais. Et il faut à la fin, c'est le puzzle géant à la fin, il faut arriver à partir de tous ces morceaux, faire un lanceur. Donc c'est Astrium qui fait l'assemblage. C'est Astrium qui fait l'assemblage. Alors, c'est une question, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire d'Ariane 5 de le rendre économiquement plus intéressant? On a eu un certain nombre de démarches dans les années précédentes pour réduire les coûts sur Ariane 5 et on n'a pas réussi parce que Alors on a réussi à baisser les coûts quand même, mais pas dans les proportions, non, on n'y arrive pas. Non, on n'a pas vraiment réussi à baisser les coûts. Parce que je croyais qu'il fallait alléger, Ariane 5 a été allégée quand même, on parlait de quelques centaines de kilos par cycle, non? Je me trompe, d'accord, bon, parfait, d'accord. Non, j'ai peur que malheureusement on n'ait pas réussi cet objectif. Et ils font une rupture pour provoquer de nouveaux schémas, et donc c'est avec Ariane 6. Alors le choix du concept, là je vais laisser Philippe puisqu'il était vraiment à la manœuvre. Donc le résultat que vous avez sous les yeux, effectivement le résultat de... d'un an et demi d'avant-projet. On a étudié des quantités de configurations, tous les cas possibles, avec un outil qu'on a en interne du CNES, là. Il ressemble à quoi cet outil ? C'est pas un outil, c'est un groupe, c'est une salle de travail d'ingénierie concourante où les gens... D'ingénierie concourante, qu'est-ce que c'est que ça ? Ben disons que dans une même pièce, vous avez tous les métiers qui permettent de faire une fusée, avec des ingénieurs qui sont représentés, qui ont des outils de calcul, qui sont capables de faire des calculs en temps réel, donc des calculs relativement simples, et qui interagissent les uns par rapport aux autres de manière à une version de fusée qu'on souhaite regarder ce qu'elle est capable de faire, sortir un résultat technique cohérent et avec l'ensemble des métiers. Donc on a balayé comme ça. Ce sont des personnes qui ont été détachées, qui ont passé. Ils étaient à temps plein dans cette salle. Comment ça s'est passé? Ils respiraient de temps en temps, je vous rassure. À temps plein, je veux dire, temps de travail était entièrement dédié à ça. En grande partie à ça. On a passé pratiquement un an et demi à tester toutes les configurations possibles, sélection progressivement. Et il y avait qui dans cette salle? Alors j'ai compris, il y avait différents métiers. Mais ça veut dire qu'il y avait le CNES, il y avait qui? Il y avait des industriels aussi, ou c'était très CNES? On a mené ça uniquement à cette époque-là, donc c'était avant la précédente ministérielle, en interne CNES, dans le cadre de nos études d'avant-projet. Donc c'est le CNES là qui a réfléchi à ce à quoi... À cette époque-là, oui. Ouais, d'accord. Et donc, vous rappelez que c'est le CNES quand même qui a conçu les Ariane, c'est la direction des lanceurs qui a conçu les différents lanceurs Ariane. Tout à fait. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on a balayé le spectre le plus large possible et sans aucune contrainte, de manière à faire des analyses comparatives des lanceurs les uns par rapport aux autres. Et petit à petit, ensuite, on a fait une sélection. Alors, de 250, on en a retenu une cinquantaine. De 150 ou de 250? 150. 150. Il y avait 150 concepts qui ont été... Finalement, oui. Ouais. Avec toutes les variantes possibles et imaginables. Vous allez nous en dire un mot des variantes, ça m'intéresse aussi. Propulsion solide, propulsion liquide. Dans le propulsion liquide, évidemment, oxygène, hydrogène. On ne s'est pas interdit de regarder aussi ce que donnerait du kérosène, qu'on ne maîtrise pas actuellement en Europe. Même du méthane. Donc c'est des moteurs avec donc du c'est kérosène, tout plein de types de kérosène et oxygène liquide. Hein. Ouais. Donc on a regardé tout ça et petit à petit la sélection on l'a affinée en regardant d'un peu plus près et le concept qui a finalement ressurgi comme étant le meilleur, c'est ce qu'on a appelé le PPH. Donc P pour les premier et deuxième étages et H pour oxygène hydrogène pour troisième étage. Donc P ça veut dire poudre, donc poudre au premier étage, poudre au deuxième étage et H hydrogène et oxygène liquide au troisième étage. Voilà. Et alors les autres concepts là qui ont été imaginés, qu'est-ce qu'il y avait par exemple? Donc vous nous avez dit un mot de genre de moteur, mais à la base c'était de toute façon lancement simple, 6 tonnes 5. Le moins cher possible, voilà. C'est ça les trois contraintes. Le grand driver c'était ça effectivement. Ouais. Donc, ensuite sont rentrées d'autres considérations du genre, est-ce que les technologies sont matures? Est-ce qu'on les maîtrise? Ou est-ce qu'on met un nouveau type de propulsion? Typiquement, l'Europe ne fait pas de kérosène, de l'ox-kérosène, alors que, par exemple, les Russes le font. Bon, de toute façon, on n'a pas vu davantage en termes de coûts. Et donc, ces solutions-là ont été éliminées progressivement les unes derrière les autres. Alors là, on a un lanceur qui est très effilé, qui est fin, avec une coiffe large, deux boosters dont le diamètre ressemble à celui du diamètre du corps central. Donc voilà, si on devait la décrire. Est-ce qu'il y avait d'autres conformations, géométries que vous avez imaginées? Oui, typiquement, là où on a trois moteurs qui sont identiques au premier étage, on a longtemps étudié une version où il n'y avait qu'un seul moteur, mais qui était beaucoup plus gros. Bon, vous avez vu que pour faire décoller la fusée, on a 1200 tonnes de poussée. Bon, cette poussée, on peut la faire avec un seul moteur. Sauf que cette version... Un seul moteur à poudre. Un seul moteur à propergole solide, un seul moteur à poudre. Sauf que les analyses économiques nous ont montré que développer un moteur spécifique, un très gros moteur pour un premier étage, était économiquement moins intéressant que de produire le même moteur que le deuxième étage et de l'avoir en trois pour faire la poussée du premier étage. Donc même s'il y a plus de moteurs, mais on s'est rendu compte que économiquement, jouer sur l'effet cadence sur un grand nombre de productions était plus intéressant que d'avoir deux moteurs différents pour le premier et le deuxième étage. Bon, ça a nécessité des études un peu plus fines. C'est pas le genre de résultat qu'on fait rapidement dès le début, ça. Donc on a affiné nos études sur les derniers, concurrents en lice. Alors, monsieur qui n'a pas encore pris la parole, je vous passe le micro. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, madame, vous parliez de Space X et qui étaient les champions, ou tout au moins une catégorie de la communication. Et donc, est-ce que vous avez prévu une communication forte ou vous allez seulement attendre la fin du développement, c'est-à-dire une dizaine d'années, si j'ai bien compris? Alors, qu'est-ce que je peux répondre à cela? Nous n'avons pas prévu d'attendre, puisqu'au CNES, nous n'avons pas l'habitude d'attendre. Donc nous avons prévu de communiquer autour d'Ariane6, c'est ce qu'on fait ce soir ici, mais voilà, c'est ce qu'on fait dans d'autres forums aussi. On a, je crois, un président du CNES qui communique beaucoup autour d'Ariane6 pour expliquer ce concept et en quoi il devient nécessaire. Jean-Yves Le Gall. Jean-Yves Le Gall, absolument. Qui est l'ancien président d'Ariane Espace. Il était longtemps à la tête d'Ariane Espace. Longtemps à la tête d'Ariane Espace. Et il est donc particulièrement pertinent pour juger de l'intérêt économique de ce lanceur Ariane6. Notre ministre aussi, Madame Fioraso, est très, très convaincue par le concept Ariane 6 et ne manque pas une occasion d'en parler. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un mode de communication à la mode américaine. C'est-à-dire, vous voyez bien un petit peu ce à quoi je fais référence. On est moins dans les faits d'annonce et dans les faits spectaculaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne communique pas. Et parle déjà beaucoup avec les opérateurs satellites, les principaux opérateurs satellites, pour prendre en compte leurs besoins, pour les injecter sur la définition d'Ariane 6. Au risque de monopoliser le micro, je... Pas du tout, vous êtes là pour ça, pas de problème. Deux questions sur le côté technique. Une, c'est parmi les projets divers ou concepts que vous avez étudiés, est-ce qu'il y avait certains qui utilisaient une propulsion dite hybride, c'est-à-dire, je précise pour les gens qui ne connaîtraient pas, un élément solide, donc comme un moteur à poudre, mais avec un élément liquide que l'on injecte dedans, ce qui est beaucoup plus simple qu'un moteur purement liquide, a priori. Mais en général, c'est plus tellement utilisé. Je me demandais s'il y avait des projets là-dessus ou si c'était complètement abandonné. Et l'autre, c'était de la même façon que Ariane 4 a été développé en une famille avec 42, 44, avec des variantes, avec des boosters supplémentaires. Est-ce que dès le début, on a envisagé une possibilité, s'il y avait besoin de lancer des satellites plus gros, d'avoir une Ariane 65, si j'ose dire, avec 5 moteurs en bas au lieu de 3? D'abord pour la propulsion hybride. Donc c'est une propulsion qu'on n'a jamais vraiment développée en Europe, je dirais à taille significative. Au lieu de nous rappeler exactement de quoi il s'agit, Monsieur l'a très bien dit. C'est un mixte de propulsion solide et de propulsion liquide. C'est-à-dire que l'oxydant, c'est l'oxygène, lui il est liquide, et le réducteur, c'est quelque chose de solide, comme dans un moteur à poudre classique. L'intérêt que ça a, c'est que contrairement à la propulsion solide classique, vu qu'on injecte de l'oxygène, on peut stopper la combustion au moment où on veut, on peut éventuellement le rallumer même. Mais je dirais que c'est une propulsion qui n'est pas très performante d'un point de vue efficacité. Et par ailleurs, c'est un peu l'inconvénient des hybrides, c'est que ça combine les inconvénients de l'un et de l'autre. Alors que, bon, on le voit, et c'est un peu ça qui nous a guidés, la propulsion solide, elle est simple, elle est très fiable. On n'a jamais eu d'échec en Europe avec la propulsion solide, par exemple. On n'a jamais un booster qui a explosé. Donc c'est pour ça aussi que... Qu'est-ce que ça pourrait être, un échec avec un booster, une explosion, ce genre de choses? Ça peut être une explosion. Challenger, les Américains l'ont eu avec la navette. Les Japonais l'ont eu aussi avec leur booster de H2A. des fuites au niveau de joints, de choses comme ça. Donc nous, c'est une propulsion qu'on maîtrise bien et donc qu'on considère comme très très fiable et très disponible, dans le sens où au moment où on veut décoller, on appuie sur le bouton, quasiment. Enfin, c'est l'ordinateur qui fait ça, hein, et ça décolle. Donc c'est une propulsion qui est très intéressante. Sa simplicité a beaucoup d'avantages. Bon, elle n'est pas très performante, mais elle a quand même beaucoup d'avantages. L'hybride, la propulsion hybride a quand même un système où il faut amener de l'oxygène liquide, des vannes, des mises en température. Bon, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Bon, c'est malgré tout, et c'est pas un système suffisamment efficace pour un étage supérieur, où là on cherche de l'efficacité pour de la poussée, et donc le meilleur candidat c'est oxygène, hydrogène, liquide. Ça, je dirais, les éléments de base de la physique l'expliquent facilement. Bon, néanmoins, c'est un système qu'on a quand même sous contrôle pour des petits moteurs qui peuvent être utiles, du genre contrôle d'attitude de l'étage supérieur. Quand on veut faire du réallumage, lorsqu'il faut mettre les ergols en bonne position avant d'allumer le moteur, c'est-à-dire éviter d'avaler du gaz, bon, c'est des systèmes qu'on évalue et qui sont toujours en lice, par exemple pour un lanceur comme pour Ariane 5 ME. Attendez, qu'est-ce qui est encore en lice? Pas la propulsion hybride. La propulsion hybride, ah, bon, mais pour des petits propulseurs. Ah d'accord, un jour, parce qu'il n'y a aucun travail là-dessus. Si, on continue de travailler, j'ai pas dit qu'on travaillait. Moi, j'ai cru qu'il n'y avait pas d'études du tout sur le sujet en Europe. Non, en Europe, il y a des... Pour la manœuvre, que pour la propulsion alors. Plus que pour de la propulsion, où là, ça ne trouve pas réellement sa place. Mais pour des petites propulsions, pour des histoires de manœuvres, des choses comme ça, là, c'est un candidat qui peut être intéressant. Alors, Ariane 4 avait des petits boosters, celui-là en avait deux, celui-là en avait quatre, ils étaient à poudre, ils étaient liquides. Donc, il y avait une modularité qu'on n'a pas avec Ariane 6. C'est une grande question qu'on a travaillée dans la phase d'avant-projet, les 150 versions qu'on a étudiées, où effectivement, une des grandes questions, c'était, faut-il un lanceur unique et qui ne s'adapte pas du tout à la charge utile, qui est un schéma qui est complètement différent de ce qui était le cas d'Ariane 4, par exemple, qui est quand même le schéma d'Ariane 5, parce qu'aujourd'hui, Ariane 5 a une configuration quasi unique. Et finalement... Mais excusez-moi, mais je dirais que ce sont les satellites qui s'adaptent à Ariane 5, puisqu'on peut les appairer, et on peut prendre les deux satellites qui vont bien, si je peux dire, pour remplir Ariane 5. Alors que là, d'accord, avec ce lanceur, ok, on a une performance de 6 tonnes 5, mais si on veut lancer un satellite de 3 tonnes 5, ben on va le lancer avec ce même lanceur, qui est est-ce qu'il ne va pas être trop performant? Il sera trop performant. Ouais, ouais. C'est comme si vous regardez dans la rue, je pense qu'il y a plein de voitures, il n'y a qu'une personne là où il y a 5 places possibles. Donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Après, c'est une histoire de bilan économique. Et on s'est convaincu nous-mêmes par les analyses technico-économiques qu'on a fait que ça coûtait moins cher de fabriquer toujours le même lanceur, de simplifier en amont la fabrication, plutôt que d'avoir des versions adaptables en fonction des évolutions du client, suivant qu'il fait 4 tonnes, 5 tonnes, 6 tonnes, 6 tonnes 5, de vouloir avoir un lanceur le plus adapté par rapport à la performance voulue. Finalement, ça avait un coût et économiquement, globalement, on ne s'y retrouvait pas. Et donc, on préfère avoir un lanceur unique. On ne se pose pas de questions. C'est toujours le même qu'on fabrique, quel que soit le client. Et le prix de lancement va toujours être le même, même si mon satellite fait 3 tonnes 5 ou 6 tonnes 5 ou... Alors, pas ça, c'est une autre question. Ça, on voit bien, quand vous prenez un billet de train, suivant que vous le prenez 3 mois avant ou la veille, vous ne payez pas la même chose. Donc, c'est un problème de politique commerciale. Donc, après, c'est à l'opérateur, c'est à un espace qui adaptera à partir du prix auquel il achète le lanceur, adaptera sa politique de prix en fonction des clients. Sans parler de versions multiples adaptables à la tonne près, est-ce que dès le début vous avez envisagé l'hypothèse de partir de la même architecture et d'en faire une version, si j'ose dire 63, une version 65? Ou est-ce que c'est totalement exclu pour... Non, c'est pas tout à fait ça, mais effectivement, on n'est pas complètement, sourd à l'évolution des choses. Et effectivement, si aujourd'hui on a une configuration dite de référence pour faire une performance de 6 tonnes 5, en parallèle, on ne s'interdit pas et on le fait. Regardez, qu'est-ce que ça voudrait dire si demain, les satellites, parce que la concurrence permet un service qui n'est pas aujourd'hui au-delà de 6 tonnes 5, mais devait atteindre par exemple 8 tonnes, comment on pourrait faire évoluer ce lanceur-là pour être capable de répondre à un besoin qui pourrait évoluer dans les années à venir? Parce que c'est clair qu'on développe un lanceur, on ne le développe pas pour 3, 4, 5 ans, mais pour 10, 15, 20, voire plus d'années. Donc, en même temps qu'on travaille de près cette configuration à 6 tonnes 5, on regarde des versions plus performantes et des versions moins performantes. Parce que si le marché des satellites, par exemple, évolue vers le bas, c'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup plus de satellites à 4 tonnes, 4 tonnes 5 et plus de satellites à 6 tonnes 5, ça ne servira à rien de garder un lanceur de cette capacité-là. Donc on regarde aussi comment on pourrait adapter l'Ariane 6 que vous avez là à une évolution vers le bas. Si je parle d'évolution vers le bas, c'est que, bon, on n'en a pas parlé là, mais il y a une évolution dans le monde des satellites qui est en train de se faire et de se préparer, qui est l'introduction de la propulsion électrique dans les satellites. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, un satellite est en gros constitué de deux masses. La partie charge utile, ce pourquoi le satellite est prévu aller dans l'espace. Donc grosso modo, c'est l'électronique, des antennes, voilà, quand c'est un satellite de télécommunication, par exemple. Ouais. Et une partie propulsion. Le satellite a besoin d'avoir sa propulsion en propre pour arriver à la bonne orbite, parce que le lanceur de l'orbite ne l'amène que sur une orbite de transfert géostationnaire, le GTO. Mais lui, il doit garder une capacité en propre pour se mettre sur une orbite circulaire, la GEO. Donc il y a une évolution, révolution même presque, on peut dire, qui commence à pointer le bout de son nez, qui est de remplacer cette propulsion du satellite, qui est traditionnellement de la propulsion chimique, par de la propulsion électrique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une évolution de masse. Est-ce que je peux vous interrompre? Propulsion électrique, il faut rappeler d'un mot ce que c'est. On en a déjà parlé, évidemment, au cours des mardis d'espace. Il s'agit d'envoyer... peut-être que vous pouvez l'expliquer d'un mot. Disons que c'est par... Il y a plusieurs types. Il y a plasma, ionique... Tout simple. L'idée, c'est d'envoyer des... c'est de prendre un gaz. Un gaz, de l'ioniser, par exemple. C'est-à-dire de rendre ses particules électriquement chargées. Et d'éjecter ses particules. Et en éjectant, un champ magnétique. Et en éjectant ses particules, c'est comme en propulsion chimique. De toute façon, la propulsion ne se fait qu'en créant un delta V, en éjectant de la masse. Bon, la masse éjectée, là, elle est très faible, évidemment. Par contre, elle est éjectée à une vitesse très, très élevée. Donc, moteur électrique, parce qu'on a besoin d'une source électrique pour mettre... Pour ioniser les gaz et éjecter les ions. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'il faut retenir, pour ne pas rentrer dans un débat qui n'est pas le lieu ce soir, c'est que cette propulsion électrique vue par le satellite est beaucoup plus légère que la propulsion chimique traditionnelle. Et donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un satellite qui fait aujourd'hui globalement 6 tonnes, 6 tonnes 5 au moment où on le met sur le lanceur, demain ferait autour de 4 tonnes, 4 tonnes 5. Ah oui, c'est énorme. Et donc, on passerait d'une catégorie de gros satellites à une catégorie de satellites moyens. Et donc, si cette technologie-là se développe et se généralise, pratiquement tous les satellites seraient dans la gamme autour de 4 tonnes, 4 tonnes 5. Oui, alors ce que dit Philippe, effectivement, c'est un scénario. Néanmoins, on n'a aucune certitude que ce scénario va évoluer de cette façon. C'est une des possibilités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on interroge les fabricants de satellites et les opérateurs de satellites, il y aura probablement dans les 20 ans qui viennent une proportion de satellites électriques et une proportion de satellites qui vont rester chimiques. Donc l'intérêt d'Ariane 6, c'est qu'on pourra en cours de route, quelque part, s'adapter en fonction de la façon dont on voit que les satellites pourront évoluer. Comment s'adapter exactement? C'est quoi, franchement, sur essentiellement la taille des boosters du premier étage. D'accord. Oui, c'est une question pas spécialement technique. Mais il faudrait quand même rappeler que ce lanceur-là n'est pas un lanceur français, c'est un lanceur européen. Et ma question, c'est justement quelle est la part de financement de la France dans ce lanceur et la part des autres pays, premier point. Deuxième point, Si je me souviens bien, ça a été sportif au début pour faire adopter Ariane 6. Il y avait un projet concurrent, un projet allemand d'ailleurs. Et il me semble que les Allemands ne voulaient pas d'Ariane 6, ils voulaient un Ariane 5 amélioré, meilleur marché. Et justement, ils refusaient de financer Ariane 6. Alors, est-ce qu'Ariane 6 a gagné contre ce projet allemand, ou ce projet allemand est-il encore en course? Ça, c'est ma deuxième question, d'ailleurs. Bah, effectivement, tous les projets Ariane sont des projets européens. Ils sont la maîtrise d'ouvrage et de l'Agence spatiale européenne. Donc, on connaît son effet des avant-projets, mais aujourd'hui, d'ores et déjà, le projet Ariane 6 comme les projets Ariane 5 sont développés par l'Agence spatiale européenne et nous avons maintenant des équipes intégrées où les ingénieurs du CNES travaillent avec des ingénieurs de l'Agence spatiale européenne. Petite interruption encore une fois. Effectivement, Ariane 5 a été vraiment imaginé, conçu à côté et puis dans la région parisienne et puis à Toulouse. Hein, pas à Toulouse, d'accord, c'est tous les satellites à Toulouse. Donc Ariane 5, hein, et maintenant on a vraiment la direction des lanceurs du CNES qui a fusionné avec des équipes de l'Agence spatiale européenne. Hein. Il y a un rapprochement, et vous-même, tous les deux, vous travaillez rue des Hautivières, qu'est-ce que c'est le nom? Rue Illéret, dans le 12e, si je ne me trompe pas. Dans le 12e. Voilà, oui. C'est ça. Et là, c'est un lieu où il y a des agents CNES et puis. Des personnels de l'Agence spatiale européenne. Absolument. Donc maintenant, la maîtrise d'ouvrage des satellites est assurée effectivement des lanceurs. Est assurée par des équipes mixtes Agence spatiale européenne et CNES. Voilà. Donc c'est une façon aussi de mettre à disposition de l'Europe les compétences françaises sur ce sujet. Ça fait 40 ans que la France investit sur les technologies lanceurs et sur les dimensions techniques lanceurs, et donc c'est bien normal qu'on mette maintenant ça au service de l'Europe. Donc on est dans une phase de fusion, je sais pas, en tout cas d'intégration mutuelle, au moins sur les phases projet. Voilà. Et je vois qu'on a ici des gens de l'Agence spatiale européenne ici qui sont venus nous soutenir dans cette épreuve. Bienvenue. Alors, à vous. La question après, néanmoins, c'est quand même la France qui est très intéressée à avoir une autonomie d'accès à l'espace, parce qu'on parle beaucoup de marché commercial, mais enfin, les lanceurs sont développés avec du financement public, donc pourquoi, allez-vous me dire, pourquoi développer des lanceurs qui adressent un marché commercial? Alors en fait, si nous développons des lanceurs, si nous souhaitons avoir en Europe des lanceurs, c'est pour avoir un accès autonome à l'espace, c'est-à-dire autonome des autres pays que sont les Américains, les Russes, les Japonais, les... Ne pas dépendre des autres pour envoyer ce qu'on souhaite dans l'espace. Alors, dans ce qu'on souhaite, il y a des satellites scientifiques, et il y a des satellites également de service de type Galileo, et puis il y a bien sûr des satellites militaires. Donc la France est très attachée à cette autonomie d'accès à l'espace. D'autres pays européens le sont aussi, et d'autres le sont moins, forcément. En revanche, ils sont peut-être plus attachés à ce qu'il y ait un retour sur investissement vis-à-vis de leur industrie quand ils dépensent de l'argent public. Voilà. Donc tout ça, c'est une espèce de melting pot où chacun a ses intérêts communs. Oui, parce que la France est très attachée à Ariane, mais ce n'est pas forcément le cas de tous nos partenaires. Hein. Pour nous, ça a du sens, c'est vraiment un motif de fierté. C'est moins le cas peut-être en Allemagne. Philippe Pascal, vous réagissez. Oui, je réagis parce que bon, lorsqu'on travaille comme nous à l'échelle européenne depuis pour moi plus de 20 ans, je peux vous dire qu'Ariane, dans le monde industriel, que ce soit en Belgique, en Suède, en Norvège, en Italie, en Espagne, les gens sont attachés à Ariane. Alors, monde industriel, même si... Non, mais je parle au niveau des citoyens des pays eux-mêmes. C'est une question, moi, je me suis permis de faire une hypothèse. Moi, je ne me permettrais pas de parler à la place des citoyens européens. Oui, vous avez raison, excusez-moi. Mais je pense que, bon... D'accord. Et c'est peut-être un défaut de communication, où on communique peut-être pas suffisamment auprès des Européens pour leur montrer que c'est quand même une réalisation qui est faite au niveau de l'Europe, avec l'argent des contribuables européens, et que bon, c'est un peu leur argent qui permet cette réalisation-là. Et peut-être qu'il y a un défaut de communication. Là, je veux bien le concevoir. Là. Merci. Mais alors tout de même, Marie-Anne Claire, les industriels ont émis quelques doutes sur la stratégie consistant à passer d'une Ariane 5 à une Ariane 6. Alors, pas François Hawk, hein, j'ai vu que... Qu'est-ce qu'il a dit, François Hawk? Voilà, j'ai vu dans une interview, François Hawk, donc le patron d'Astrium, Astrium soutient à fond Ariane 6. Il a ajouté et Ariane 5 ME. Hein, il voudrait Ariane 5 ME aussi, vous les deux. Hein. Donc, les industriels n'ont pas toujours été... une chaleur extrême vis-à-vis de ce projet Ariane 6, pourquoi ? Eh bien, ils n'ont pas été d'une chaleur extrême, c'est exact. François Hawk dit qu'il soutient Ariane 6 et Ariane 5 ME. Effectivement, il n'a peut-être pas la même vision du calendrier que celle que nous, on peut avoir. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il faut passer rapidement Ariane 6 de façon à pouvoir se positionner sur le marché commercial. Je crois qu'Astrium préférerait qu'on commence par faire des évolutions d'Ariane 5 actuelles, donc faire le Ariane 5 ME, et puis repousser un peu plus tard l'arrivée d'Ariane 6, parce que effectivement on a une appréciation un petit peu différente du risque actuel de perte de notre capacité de lancement. Alors, pourquoi les industriels sont moins motivés par Ariane 6? C'est que, comme on l'a expliqué, sur Ariane 5, on n'a pas réussi à faire les économies qu'on envisageait, alors que sur Ariane 4, on a fait des économies au cours du temps. Hein. Ariane 4, effectivement, a été moins cher à la fin qu'au début. Sur Ariane 5, on n'a pas réussi ce défi, on va dire. Voilà. Et néanmoins, bien, la conclusion à laquelle on est arrivé, nous, c'est que pour arriver à faire des lanceurs moins chers, il faut vraiment faire une rupture industrielle également, et pas qu'une rupture technologique, donc une rupture dans les montages industriels. Donc ça veut dire que forcément, on dérange. Ça, c'est beaucoup plus confortable. On dérange l'organisation industrielle, oui. On dérange. Donc c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde de continuer à faire Ariane 5 ME, de dépenser l'argent public quand même de façon intelligente, hein, la question n'est pas là, mais de ne pas s'orienter vers un schéma économique rentable. Là, on demande à nos industriels de se remettre en question, de remettre en question leur façon de travailler, de remettre en question leur cycle de fabrication, leur montage industriel, leur façon de voir la sous-traitance. Donc forcément, on dérange. Voilà. Alors on dérange quand même à un point. Vous vouliez dire un mot, Philippe Pascal ? Oui, oui, très bien. Quand même, on dérange à un point assez important, puisque je crois que c'est M. Le Gall, si je ne me trompe pas, qui a évoqué, mais peut-être que je me trompe, a évoqué la possibilité de passer de 12 à 6 pays pour les pays concernés par la fabrication des pièces d'Ariane 6. Et vous avez évoqué la possibilité de passer, quand on en a discuté, de 150 fournisseurs à 50. Donc effectivement, on voit que tout ça va se réduire. J'avais une question. Pour arriver à ce modèle industriel-là, où finalement, parce que ce qui coûte cher, on voit bien chez SpaceX, on a tout concentré sur un seul site, et avec Ariane, ben, on a des morceaux qui sont construits dans toute l'Europe, qu'il faut assembler, avec parfois 5 niveaux de sous-traitance industrielle. C'est un puzzle extraordinairement complexe, un mécano extraordinairement complexe. On veut simplifier tout ça, mais alors, quand même, si on est arrivé à ce mécano très complexe, c'est quand même parce qu'il y a cette loi, cette règle plutôt européenne, qu'on comprend très bien, c'est la règle du juste retour. C'est-à-dire, moi je suis tel pays, je suis la Grande-Bretagne, je mets tant de millions d'euros pour Ariane, et ben, je voudrais avoir des contrats à hauteur de ce que moi-même j'ai payé. Enfin, je voudrais que mon industrie ait la même chose. La Grande-Bretagne ne met rien sur Ariane. Bon, pas la Grande-Bretagne, absolument. Non, c'est plutôt l'Italie, enfin l'Allemagne, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne dans cet ordre-là, bien sûr. Voilà, il va falloir changer cette règle, il va falloir changer de mode de fonctionnement. Alors, on ne va pas complètement changer cette règle, parce qu'effectivement, quand un pays met un euro dans un projet européen, c'est qu'il envisage effectivement que cet euro soit dépensé dans son pays. Ça, c'est quand même le principe de base de l'Agence spatiale européenne. Mais néanmoins, on peut faire des mises en concurrence et des appels d'offres de façon différente. Sur Ariane 5 et sur les satellites européens, d'ailleurs, on avait jusqu'à présent une façon de faire qui était... qui sont les pays qui sont intéressés, combien veulent-ils mettre et quel type d'industriel on peut trouver qui, dans ces pays-là, pourrait être intéressé. Ça, c'est vraiment la mécanique du retour géographique à l'ancienne, je dirais. Comme à l'ancienne, ça c'était le fonctionnement ancien. Ouais. Alors maintenant, on a développé, l'Agence spatiale européenne, d'ailleurs, que c'est elle qui est à la manœuvre là-dessus, a développé une nouvelle façon de faire qui s'appelle le Fair Return. Donc, fair là, Return, voilà. D'accord. Donc là, le retour juste. Oui. Équitable. Équitable. Ouais. Donc là, en fait, on se retrouve avec un objet, encore en l'occurrence un lanceur dont on considère qu'il est économiquement le meilleur objet, et on va faire des mises en concurrence sur les différents objets. Et une fois qu'on aura... Il n'y avait pas tant de mises en concurrence que ça dans les appels d'offres précédents. Et une fois qu'on aura donc les résultats de ces mises en concurrence, on démarchera en quelque sorte, l'Agence spatiale européenne interrogera les pays à savoir s'ils sont prêts à financer, à mettre l'équivalent de ce que leurs industriels sont capables de faire. D'accord, donc les industriels vont répondre, on va arriver à une sorte de mécano beaucoup plus simple, on l'espère en tout cas, et à ce moment-là, on ira voir les pays pour leur dire, est-ce que vous êtes prêts pour financer ceci et cela? Ça part de l'idée quand même qu'il y a trois pays majeurs qui peuvent financer ce lanceur, c'est la France, l'Allemagne et l'Italie. Clairement, si l'un de ces trois-là ne veut pas participer, je pense que les temps seront difficiles. Mais pour le moment, on n'en est pas là. On est dans les périodes de négociation. Mais ça veut dire que certains pays qui, hier, participaient à la construction d'Ariane risquent demain de ne plus avoir de contrat? Oui. D'accord. Oui. D'accord. C'est un acte... Ça demande un certain courage politique, quoi, d'arriver jusque-là. Mais je vous ai dit, on dérange. Voilà, on dérange. Et il y a besoin d'aller jusque-là, quoi. Donc il y a besoin d'un changement culturel. Je ne sais pas si on appelle ça un changement culturel, mais il y a quand même un petit peu une évolution culturelle, en tout cas. Oui, il y a un changement culturel, il y a une évolution culturelle. Mais ces pays-là pourront investir au niveau spatial sur d'autres projets, des projets satellites en particulier, ou d'autres natures d'investissement. Et en tout cas, le fait de rester dans la course et de continuer à avoir un lanceur, c'est à ce prix-là. Oui, nous pensons que c'est effectivement à ce prix-là et qu'on est obligé de passer par ces restructurations. Sans le CNES, ce serait plus dur de s'opérer, on n'aurait pas le GPS. Sans le CNES, je pourrais pas appeler mes amis qui sont en vacances en Grèce. Je n'aurais pas mes 783 chaînes, je pourrais pas suivre des séries télé coréennes. Je pourrais pas me repérer dans les rues du 20e arrondissement, ni aller sur internet quand je navigue en catamaran. Sans le CNES, ce serait plus dur de se repérer, on n'aurait pas le GPS. Sans le CNES, je pourrais pas appeler mes amis qui sont en vacances en Grèce. Sans le CNES, on ne retrouverait pas où on habite. Les serveurs internet seraient moins performants dans ce qu'ils débitent. L'Europe n'aurait pas grand chose en orbite. Rien ne planerait au-dessus de nos têtes. Sans le CNES, ce serait plus dur de se repérer, on n'aurait pas le GPS. Et cette jolie fille dont j'ai croisé le regard en nouant ma cravate devant le miroir, à quoi me servirait de prendre son 06 sans Ariane 6, sans le CNES, ce serait plus dur de s'opérer, on n'aurait pas le GPS. Sans le CNES, je pourrais pas appeler mes amis qui sont en vacances en Grèce. Enfin, en tout cas, sans le CNES, tout cela coûterait la peau du dos. Alors si, oui, très bien, bonjour monsieur. Dans la continuité de ce que vous venez de dire, donc, moi j'avais la question, si on réduit les sous-traitants, si on réduit les risques, enfin, je voulais savoir quel serait l'impact sur les emplois un peu partout dans les pays et quel serait le risque de perte éventuelle technologique, puisqu'on diminue le nombre de sous-traitants. Alors, il va y avoir effectivement une rationalisation au niveau des choix techno, et en particulier au niveau de la, du mode de, en France, en particulier au niveau de la propulsion cryogénique. Et Philippe en parlera tout à l'heure. Mais je dirais que, on a noté que Ariane 6 était effectivement un lanceur au coût de récurrent qui est moins cher qu'Ariane 5, mais en revanche, on a l'intention d'en lancer plus. Donc en fait, on va rationaliser et le chiffre d'affaires industriel annuel ne sera pas tellement différent de celui d'Ariane 5. L'idée, c'est vraiment d'avoir un objet. Il n'y aura pas moins de monde, il n'y aura pas forcément moins de monde, mais il n'y aura peut-être pas la même répartition. Alors c'est vrai que dans certains pays, ben, il y aura un impact, mais c'est quand même de toute façon des pays qui, déjà aujourd'hui, ont une participation sur Ariane qui n'est pas forcément très élevée. Hein. C'est vraiment, on a vraiment un morcellement de, des activités qui fait qu'on se retrouve avec un objet qui est excessivement cher. Alors, ce qui concerne la perte de techno, effectivement, on peut dire un mot de la propulsion cryogénique, Philippe. Bah, y a pas que la propulsion cryogénique, ça, c'est vrai un peu partout, mais bon, pour compléter la réponse de Marianne sur, sur votre question, là, il faut quand même être modeste et y avoir comment dire, à l'esprit que les activités spatiales de lanceurs sont quand même, dans tout le tissu industriel européen, où il y a des industriels qui fabriquent des pièces pour faire in fine un lanceur, une fusée, c'est une activité généralement marginale. Bon, la plupart travaillent dans l'aéronautique et le gros de leur business vient de l'aéronautique. Donc, avoir un petit peu moins d'activité, voire pour certains plus d'activité, ça, c'est pas ça qui, au niveau de l'emploi, va être réellement significatif. Faut quand même aussi rester réaliste par rapport au poids qu'on représente, par rapport à par exemple, Airbus, les avions et tout ça, quoi. Bon, au niveau technologie, c'est sûr que si on prend le cas de la propulsion cryo, le fait d'avoir aujourd'hui deux moteurs, un gros moteur, le Vulcain, le moteur HM7 en haut, et demain de ne plus avoir qu'un seul moteur. Sur Ariane 5, hein, c'est le cas. Deux moteurs cryogéniques. Voilà. Bon, ça pose des difficultés. Ces difficultés, on les a bien à la tête. On en discute avec Snecma. Snecma est un industriel majeur dans le sens où ils comprennent bien la problématique qui se pose à eux. En gros, ils ont une dizaine d'années devant eux pour se retourner, pour se réorganiser. Le tout, c'est d'arriver à mettre en place une organisation et des activités qui feront qu'ils ne passeront pas en dessous d'un seuil critique d'activité qui ferait que, bah, il n'y aurait pas assez de travail. Donc c'est quelque chose qu'on travaille avec eux et ils sont prêts à relever ce challenge d'une situation d'aujourd'hui où ils ont deux moteurs à une situation où ils n'en auraient plus qu'un demain. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau. Lorsque Ariane 4 est arrivé en fin de vie et il y avait Ariane 5 qui arrivait, sur Ariane 4, ils fabriquaient des moteurs Viking. Il y en avait 4, voire 8 pour le premier étage et un supplémentaire pour le deuxième étage. Là où, donc ils avaient jusqu'à 9 moteurs à fabriquer, là où sur Ariane 5, ils avaient un Vulcain à fabriquer. Donc ce genre de problématique est certes une problématique complexe. On a la chance qu'on est sur des cycles de développement qui durent pratiquement 10 ans. Et donc ça laisse la capacité à l'industriel de mettre en place les phases de transition et éviter des ruptures brutales. Oui, alors en fait j'avais une question par rapport à SpaceX. Ils ont comme feuille de route là, pour l'année prochaine de tenter la récupération du premier étage de leur lanceur. Donc c'est un gros changement a priori, dans l'approche de lancement. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que c'est réaliste et est-ce que ça peut inquiéter l'avenir concurrentiel de Ariane 6? Alors ça, c'est la question des lanceurs réutilisables. Alors tout ou partie réutilisable. C'est une question qui est aussi vieille que les lanceurs. Parce que là, le lanceur, il est consommable, hein, Ariane 6. Ariane 6, c'est comme Ariane 5, c'est un lanceur consommable. C'est-à-dire qu'on ne récupère rien pour pouvoir le réutiliser. Les Américains ont fait une première tentative avec la navette, avec le shuttle. C'était une belle tentative, là. Ah, c'était une belle tentative, mais ça a quand même été un bel échec en termes de réutilisation. Parce qu'ils se sont rendus compte que finalement ça avait un coût faramineux par rapport au schéma qu'ils envisageaient initialement de réutilisation, un peu comme on fait dans l'aéronautique. Hein. L'aéronautique, l'avion, il est utilisé des centaines de fois. Donc on s'est dit, bah, les lanceurs, pour une partie, est-ce qu'on ne peut pas faire pareil? On les fait revenir au sol et puis on réutilise, on nettoie un peu. Et puis... Bon, le problème c'est que... Le matériel qui permet de faire un lanceur, il est quand même beaucoup plus poussé, il est utilisé avec des marges très très faibles et ça devient très compliqué de faire de la réutilisation et le bilan économique, aujourd'hui, bah, il n'est pas du tout garanti du tout. Donc néanmoins, même si on travaille énormément sur Ariane 5 et Ariane 6, on ne s'interdit pas de regarder ce que ça pourrait faire la réutilisation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'aujourd'hui, un moteur comme le moteur Vulcain, par exemple, de premier étage d'Ariane 5, le rendre réutilisable. Donc aujourd'hui, bon, on pense que c'est trop difficile, c'est pas accessible. Ça met en œuvre de la physique d'endommagement des matériels qui font que ça, c'est pas utilisable maintenant. Bon, malgré tout, je répète, c'est quelque chose sur lequel on a toujours un œil, on a toujours un petit peu d'activité. Et l'initiative de SpaceX est intéressante parce qu'elle est un peu novatrice par rapport à son approche. Maintenant, il faudra voir si économiquement le jeu en vaut la chandelle. Sur SpaceX, est-ce que vous croyez, parce que Elon Musk communique énormément sur cette réutilisation de certains étages, on voit même des vidéos tout à fait extraordinaires où on a le lanceur, puis les étages partent dans l'espace, et puis ils reviennent sur Terre, ouais. Et puis ils ont des petits boosters, et ils se posent sur un petit trépied, comme ça au sol. On se place pas de ce point de vue-là. Si techniquement, comme je dis, on regarde ça de près pour voir est-ce qu'on serait capable de le faire, quelles sont les technologies qui sont nécessaires pour contrôler la rentrée, le rallumage du moteur pour la phase de freinage, toutes ces choses-là, bon, évidemment, on regarde ça de près. Là où SpaceX, ça va être intéressant, c'est voir est-ce que ils font de la grande communication comme au début ou les années qui avaient précédé la navette, c'est-à-dire on fait de l'appel sur quelque chose qui va être révolutionnaire et qui finalement s'est jamais concrétisé. Est-ce que lui va y arriver ou est-ce qu'il va refaire comme ses collègues de la navette d'il y a un peu plus de 20 ans, quoi. Bon, la question est ouverte. Très bien. Alors avant de se quitter, je voulais vous signaler que vous avez une table ici avec pas mal de documents, notamment là le programme des prochains mardis de l'espace et puis des cartes postales comme ça qui peuvent être utiles pour les vacances de Noël. C'est par exemple, là j'ai Paris vu par satellite, donc c'est des images prises par le satellite Pléiade et où on voit comme ça des monuments et des endroits pris par satellite. Donc servez-vous cette en accès libre. Voilà, je remets celle-là. Là, vous avez le programme des mardis d'espace où je vois que le prochain a lieu le 21 janvier 2014 à 19h30. On se retrouve ici. C'est toujours le même rendez-vous. Soigné grâce à l'espace. Et on va aller sur la Station Spatiale Internationale pour voir quels sont les travaux qui sont menés, en particulier sur les astronautes, et puis voir voilà, ce que les étudier dans un environnement sans gravité nous apprend. Et voilà, sur l'ostéoporose, sur les maladies cardiovasculaires, le fonctionnement du cœur, quoi d'autre encore, Marie-Claude ? L'obésité. L'obésité également, voilà. Donc, le 21 janvier, on se retrouve à 19h30. Voilà, c'était un bar des sciences consacré à Ariane 6. On a bien compris qu'il y a une nouvelle concurrence qui arrive, qui est forte, qui est présente, et il va falloir s'y préparer en étant plus économique, en étant plus flexible. Ça va pas être facile. Il va y avoir des renoncements, il va y avoir des grincements de dents. Il va falloir passer par une nouvelle organisation industrielle. Ça ne va pas de soi. Mais on voit en tout cas que le CNES en France a les idées claires et moteur là-dessus. On parlait de communication. Voilà, on sent à partir de vous quand même qu'il y a cette volonté ferme, forte d'avancer, de préparer le futur. Je crois que c'était important de s'en rendre compte ce soir. Merci beaucoup d'abord d'avoir été avec nous et puis d'être à la manœuvre sur des sujets comme ça. Merci infiniment. C'est Philippe Pascal et Marie-Anne Claire, s'il vous plaît. Par des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.